Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Eh bien, le bonsoir à tous, Harry sur RQC 95 FM, vous avez vu, je me présente, ça y est, Harry, ouais. Dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs, évidemment, de 20h à 22h30, avec une équipe au complet, et ouais, au complet. Avec une jante féminine maintenant, et oui, qui va peut-être, je pense certainement, et c'est presque sûr, nous rejoindre. Et donc du coup, par courtoisie pour la présentation, on va commencer par elle, avec Onissa. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur RQC 80 à l'heure. Salut, ouais. Toi. J'aime bien parce que hors antenne, je disais, ouais, tu sais, quand tu prends la parole, n'oublie pas de dire que tu ouais, ouais, commences pas à me chambrer, hein. Maintenant, elle va le dire à chaque fois qu'elle intervient. Oui, ouais, bah, c'est pour voilà, le moins bien intégré. Et comment ça va, alors, Onissa? Bah, sur RQC 80 à l'heure. RQC 80 à l'heure, tout va bien. Ils ont décidé de te tailler un short à chaque fois. Ah ouais, mais elle le sait. Et c'est pas grave, j'adore. Mais oui, j'adore. Et nous aussi, on te trouve très bien en short. Voilà, absolument. Bah, tiens, dis donc. Parce que tu m'as pas vu. On le trouve aussi très bien, il est avec nous. Et évidemment, comme toutes les semaines, c'est Canon. Bonsoir les filles, bonsoir la France, bonsoir l'Europe, bonsoir moi. Oui. J'ai alors, envie de me saluer, ça fait longtemps. Mais c'est très bien. Je me trouve c'est pas assez salué. Il y en a bien quelqu'un qui a envie de te saluer. Ça va? C'est bien, c'est bien. Oui, ouais. ça va. Ça va. Nous sommes même également, temps. Bien sûr, avec l'indécrottable du cinéma, notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, et puis alors le dernier, le meilleur pour la fin, c'est notre ami Flipcat. Eh oui, pardon, voilà. J'ai pas mis le son, tu peux éviter de roter quand tu dis bonjour. Je n'ai pas roté, j'ai non, ouais. C'est parce que... Mets le bouchon sur ton goître. Non, j'ai pas mis le son, c'est pour ça que c'était sur... Ah, je t'ai pas dit pour vu, mon ami. Non, du tout. Bon, apparemment, tous. Tout le monde va bien, bonsoir. Oui, tout le monde va bien, super. Alors ce soir, Une brelle. Oui, Harry, bonsoir Harry. Voilà, ça commence déjà. Comment vas-tu? Ouais, bah ça va, j'ai ma fente qui est lourchée. Donc un beau sommaire hein, ce soir évidemment, puisque alors déjà on va commencer par une belle petite rétrospective. Il y a eu un beau spectacle qui a eu lieu donc ce samedi soir. Ah ouais, c'était voilà génial. Et on a eu notre reportrice et notre reporter qui ont assisté donc au spectacle et qui nous en parleront tout à l'heure. Donc rapidement, on vous met l'eau à la bouche. Ça s'intitulait Sur le fil du temps avec Thibaut. Absolument. Et vous allez nous en parler, évidemment. À 20h30, donc un peu plus tard, on aura notre ami Canon. Tiens, Canon, t'as préparé quelque chose? Oui, absolument. On va parler de gospel. Oh, yeah. Oh, ça c'est bien, oui. Alors il va y avoir un spectacle aussi qui aura lieu. Voilà, qui aura lieu, bah, je vais vous dire les dates tout à l'heure. On a une invitée qui va en parler, donc c'est un bel événement musical, etc. Elles n'ont pas pu toutes venir parce que c'est une troupe constituée. Et voilà, bah, moi j'ai fait une petite rétrospective. Déjà situer le gospel, c'est vrai que tout le monde connaît, mais revenir un petit peu aux origines. C'est vrai. Quelques petits extraits sympathiques. Voilà, et après je les laisserai s'exprimer ou pas. Bien. Ça dépend, si je suis en forme. Alors évidemment, 21h, ne ratez pas. La chronique rétro ciné 80 de notre ami Sherlock. Oui. Ensuite, il y aura évidemment à 21h30 Flipcat qui va nous parler de FIC. De FIC. FIC. FIC. FIC. Bah ouais. Exactement. FIC. Bah ouais, on dit FIC, non? FIC ou FIC? Fine Young Cannibals. Ah. Évidemment, donc une belle chronique sur les Fine Young Cannibals que vous connaissez. FIC. Et puis nous allons aussi recevoir leur Canon, je te laisse les présenter, donc en tout cas le représentant d'une troupe qui s'appelle Cosmopolis. Absolument. Cosmopolis. Ouais, oui. T'es pas au courant. Non, ah bah oui, bah là, ça vient de me la faire l'entendre. Pas de si, parce que Cosmopolis, ça me parle, mais j'étais pas certain, donc je vais pas faire de bêtises. Oui, absolument. J'ai couvert l'événement, on en avait parlé il y a 15 jours de ça, donc un bel événement, parce que un peu atypique, mais justement qui a bien fonctionné l'année dernière. Mm-hmm. Et on a un monsieur qui s'appelle Tristan qui est venu nous en parler, c'est Fantasma Violin, dont je parlais, un spectacle d'horreur, en fait, où vous en êtes un peu le héros, mais il s'exprimera. Un véritable ovni d'ailleurs. Un véritable ovni, ah ouais. Absolument. Une œuvre visuelle. assez sympa, et puis musical, et puis il nous en parlera tout à l'heure. Alors je sais pas, on en parle maintenant ou après la pause musicale? Bah, juste après la pause musicale, voilà, évidemment, le temps de mettre nos amis auditeurs et auditrices dans le bain. On vous parlera aussi, parce que bah, ça me tient à cœur, évidemment, du salon commercial de Waterloo qui va commencer vendredi. Oui, ouais. Avec un super animateur. Absolument. Harry. Je vous proposerai du saucisson, je vous proposerai. Ah, voilà. Ah, tu vends du rêve. Il semblait bien. Moi, voilà. Je veux pas vous faire ton saucisson. Je vous en parlerai, évidemment. Je vous parlerai aussi alors, d'un événement qui a lieu aussi, là, c'est très rapide, hein, qui est organisé par Amitié Motard de Waterloo, qui est l'élection de Super Mec et Super Nana. Waouh. Et oui, avec à la présentation Sherlock. Moi-même, évidemment, oh yeah, j'aurai l'occasion de présenter ça. Non, ça va être un bel événement. Donc, en compagnie de Denis, je vous parlerai de l'élection de Miss Waterloo. Eh oui, ça va approcher. Hein. Avec comme présentateur Bibi. Ouais. Et Mister Carnaval bientôt, non? Ça se devra peut-être, pourquoi pas. Tu veux que j'envoie des dossiers? Non, mais voilà. Et on parlera aussi des candidates à l'élection de Miss Waterloo, puisque nous allons les recevoir très rapidement dans l'émission. Donc, voilà. Ok. Bien, bah ça. Bah moi, ouais, je vous propose de faire une petite coupure musicale. Alors bon, avec un titre petite, malheureusement c'est circoncision, le. Hein. Non, pas du tout. Non, avec un titre où justement ça parle vraiment d'actualité vu que la personne est décédée il y a deux jours. C'est ouais. Pete Burns, c'était le chanteur de Dead or Alive. Ah oui, il est décédé d'une crise cardiaque à 57 ans. Donc maintenant il s'appelle Dead. c'est ça. Maintenant, c'est plus Dead or Alive. Je suis content, tu l'as fait avant. C'est sûr que ça pouvait. Je suis content d'aller la louper. Donc Dead or Alive avec You Spin Me Right Round. Et ensuite, on reviendra avec Michel Sardou et Être une femme. Ah oui, alors celle-là, je dédicace cette chanson évidemment à Cindy qui nous écoute régulièrement, donc qui voulait entendre du Sardou. Donc, femme des années 80, c'est très bien. Hein. Oui, c'est très très bien. Mais c'est Être une femme le titre. Ah oui. Ah ouais, tiens, dis donc. Ah, oui, c'est... ah oui, c'est Être une femme. Ah oui, absolument. Ah pardon. Allez, bah c'est parti. Watch out, here I come. Come. Être un major de promotion, parler si langue, ceinture marron, championne du monde des Salut, c'est Sacha. Salut, c'est William du groupe Début de Soirée. On est content d'être avec vous sur 80 à l'heure. Yes. Et j'espère que vous êtes tous et toutes contentes d'être sur 80 à l'heure comme nous, parce qu'on est en pleine forme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? On parlait tout à l'heure, en fait, de Fantasma Violine. Je crois que ça vous parle. C'est un spectacle, en fait, qui a lieu le 29 et 30 octobre 2016 au château de Beausuite. Beausuite. J'ai encore dit Beausuite. Donc, Beausuite et tout ça, et qui est donc un format très, très particulier. On en avait parlé l'année dernière. Ça avait eu beaucoup de succès. Ouais. Et, on accueille aujourd'hui en fait Tristan qui s'occupe de l'événement, qui a monté ça avec ses petits doigts boudinés l'année dernière. Il nous en parlera. Et j'ai eu la chance de le rencontrer par champ relationnel commun. On a pris contact. Puis voilà, il est là aujourd'hui pour nous parler de cet événement. Bonsoir Tristan. Bonsoir à tous. Et merci de me recevoir. Non mais je t'en prie. C'est avec plaisir. Hein, c'est avec et plaisir. Un petit mot Marraine. Merci Marraine de m'avoir mis en contact avec ces 12 personnes. C'est Valérie, mais quand je te vois, t'as l'air plutôt heureux parce que tu es une marraine pareille. Moi, franchement, je serais déprimé. Elle est peut-être d'ailleurs dans le spectacle. Elle est peut-être... Non, elle va participer au spectacle, par contre. Donc, j'ai pas de bêtises. Je peux faire violine. Alors, c'est quoi Fantasma Violine? Parce qu'on en a entendu parler l'année dernière, Canon nous l'avait présenté. Oui, assez rapidement, c'est vrai, parce qu'on s'était pas rencontrés, donc on a quand même beaucoup de demandes. C'est vrai que ça m'avait paru assez sympathique. On va revenir dessus, mais c'est vrai que c'est un événement en fait où les gens sont acteurs et héros de leur propre histoire découvrir. Oui, voilà, dans un milieu plutôt glauque, un peu terrifiant, où il y a des acteurs costumés, des musiciens, etc., qui créent en fait toute cette intrigue au fil de leur découverte avec des effets spéciaux, etc. Mais je pense que Tristan peut nous en parler mieux puisque à la base, c'est l'instigateur. Mais ça avait déjà été très bien décrit la fois passée. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Merci. Franchement, j'avoue que. Ouais. Non. Bah, je suis pas mental. Non, c'est vrai. Mais je trouve que c'était parfait. C'était bien. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais décrit. Oui, mais moi je l'avais lu. Toi, tu l'avais décrit. Oui, non, mais à la base, Fantasma Violine, c'était un projet étudiant parce que je suis étudiant Infocom à Roubaix. C'était dans le cadre des projets tutorés, donc j'avais envie à ce moment-là de créer quelque chose de particulier, quelque chose de très sensationnel en fait. Comme j'ai toujours été passionné par le fantastique, le paranormal. Mon premier film d'horreur, je pense que je l'ai regardé quand j'avais 10 ans, c'était Evil Dead de Sam Raimi. Un truc avec Bruce. Super. Le premier que t'as vu, t'es pas vieux toi. Ah non. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, je l'ai vu, j'avais 45 ans. Non, toi, t'es très vieux. Toi, ta gueule. Toi, 13-4 semaines, tais-toi. Ah. Non, vas-y, Tristan, t'inquiète pas. Donc, voilà, que je disais d'ailleurs. C'était Evil Dead. On taquine, donc t'étais passionné par ces films d'horreur. Par ce film d'horreur qui m'a carrément traumatisé à l'époque, je me souviens. Et voilà, je me suis inspiré de ça et j'avais vraiment envie de faire un film d'horreur sous forme de spectacle déambulatoire. Donc voilà, en fait, il faut savoir que Fantasma Violine... C'est quoi, c'est pour les personnes âgées, ça? Un spectacle déambulatoire. Je savais qu'il y en a... Non, déambulatoire. Je savais qu'il allait le dire. Quelqu'un allait le sortir. J'ai pensé la même chose que toi. Ouais, tu vois. Il se dit, j'ai raté la bonne émission. Vous êtes toujours sur RTL. Donne-moi ton touchpad là-haut. Quand on t'a battu, ça fait... Tu peux fermer ta gueule. Il est quand même en train de faire la promo, le mec. Je vous rappelle que ce spectacle, il y a peut-être même un auditeur qui ira le voir. C'est un spectacle sérieux. Non, mais à chaque fois je perds le fil de Ah, mais si tu veux le faire souvent. Donc tu voulais un spectacle déambulatoire, évidemment. C'est pas pour personnes âgées. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Déambulatoire, j'entends par déambulatoire parce que le spectateur n'est pas assis sur un siège. D'accord. Voilà, il va déambuler à travers plusieurs salles. Voilà. Ah, sympa. Donc, il va rencontrer des entités qui hantent les lieux de la maison. Donc, comment ça se passe concrètement ce spectacle ? C'est donc, on constitue une équipe à peu près de 3 à 8 personnes maximum parce que sinon, après, au-dessus de 8, on se marche dessus, quoi, carrément. Mm-hmm. Et donc, là, le but, c'est d'intégrer la maison, d'aller rencontrer les entités et de résoudre des énigmes le but de découvrir ce qui s'est passé, de dénouer l'intrigue et de voir ce qui s'est passé, pourquoi le lieu est devenu hanté, pourquoi la maison est devenue hantée et aussi de savoir comment réussir à rétablir l'équilibre du lieu. D'accord. Pour calmer les entités de la maison, en fait, voilà. Ah, donc il y a je reclame des baffes. T'es calmé. Faut jamais que je vienne dans un truc comme ça. Si le mec il me fait peur, je viens de droite. Alors faut savoir que c'est pas vraiment pour faire peur. Hein. Ouais, non. C'est vraiment pas faire peur. C'est pas mon but, c'est pas de mettre en position de la terre de sécurité les spectateurs à la fin. Hein. Voilà, faut vraiment qu'ils soient. Il y a des jeux de comédiens aussi, c'est important. Oui, et musiciens aussi. Oui. Alors oui, c'est un spectacle son et lumière, donc tout l'ensemble du spectacle il est sonorisé, donc il y a de la musique, d'ambiance. Il y a des stroboscopes, enfin il y a des lumières noires, des jeux de lumières noires. J'ai plus de 22 figurants quand même. C'est pas mal de comédiens, ouais. Donc c'est vraiment un gros truc qui se met en place. Sherlock, tu fais le Gollum. Mon précieux. Ouais, il le fait très bien. Super, et si un jour tu veux Casimir, il le fait très bien. Et il fait la brouette aussi, c'est formidable. Et donc pour vous dire, là, dans le spectacle, à un moment donné, il y a un film qui se met en route, etc., qui revient sur les origines du lieu, pourquoi il est devenu hanté, etc. Et là, on sait vraiment à travers toutes ces énigmes comment calmer l'entité de la maison, parce que c'est deux entités en fait qui se font face. Hein. C'est la dame noire et le violoniste, parce que t'as une dame noire et un violoniste. Ouais, et en quelque sorte, pour en résumer, c'est le spectateur qui fait le médiateur entre tout ça. Hein, il va essayer de les calmer, voilà. Ouais, ouais. Ah, il va essayer de la calmer. C'est chiadé, comme je veux dire, c'est familial avec des enfants de 14-15 ans, enfin des ados, ils comprennent, ou alors c'est quand même quelque chose de très complexe qui... Alors, complexe, peut-être pas, parce que je m'adapte un petit peu. Hein. Il y a certainement des personnes qui vont participer au spectacle qui n'ont pas forcément fait avant de spectacle de ce type-là. Hein, voilà. Mais non, bah c'est pas très compliqué, mais ça peut être choquant quand même. D'accord. Parce que voilà, il y a du sang, il y a des gens qui crient, enfin voilà, il y a ce que j'appelle des jumpscares, c'est dans les films d'horreur, hein. Ouais, les jumpscares, c'est vraiment quand il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient te faire flipper, quoi. Non mais c'est bon. Voilà, mais... et c'est à mon avis ce qui peut choquer les plus jeunes, voilà. T'inquiète pas, c'est la ménopause. Moi je me sais, j'étais à l'arrêt cardiaque. Ouais. Mais là, excellente, elle. Trois semaines, il te reste. Alors, moi, la question que je me pose, c'était de savoir, parce que tu parles d'énigmes, évidemment, si aujourd'hui les gens qui viennent, donc le public, résout pas l'énigme, vous faites comment? Ah bah ça. Truc tout bête. On le rembourse. Est-ce que les gens s'arrêtent entre temps? On a nos petits trucs. Ouais, on a nos petits même. Trucs, parce que faut savoir que le spectateur, enfin le groupe de spectateurs n'est pas livré à lui-même dans l'ensemble du spectacle, enfin hein, dans le parcours. Il y a un guide. D'accord. Qui prend la forme du docteur de la peste médiévale. Je sais pas si vous voyez d'accord. ce que c'est. Avec son nez noir, ouais, corbeau là. Ouais. Parce que ça, en fait, c'est lui le personnage principal techniquement de la série Fantasma. Mm-hmm. Sauf que ça, c'est une autre histoire encore. Il va falloir attendre. Donc s'il voit qu'ils n'arrivent pas à trouver, il va les aiguiller un petit peu vers des pistes. D'accord. C'est d'accord. Est-ce que je voulais savoir, moi j'avais une question à poser à Tristan, parce que tu as parlé de Dame Noire, oui. Est-ce que c'est basé, l'idée, c'est pour faire référence à la Dame Blanche qui apparaît sur les routes, hein, ou alors pour faire référence au film Black Shadow? Ah non, là c'est encore plus compliqué que ça, parce que pour m'inspirer, pour créer le spectacle, je me suis inspiré aussi des légendes urbaines du Nord-Pas-de-Calais. Alors il y avait un super livre qui était sorti l'année passée, de Ludivine Fasseux. Ça s'appelle Les lieux hantés en Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Et c'était vraiment, quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu envie de créer ce spectacle-là. Mais donc, on s'imagine pas à quel point la région est riche en ce genre d'histoire. C'est incroyable. Ouais. Donc, non, la dame noire, c'est vraiment, c'est pour faire. Enfin, techniquement, il y a une dame blanche dans le spectacle et une dame noire. Voilà. D'accord. Et elles sont mère et fille, toutes les deux. Tu parlais de lieux hantés sans aller très loin. Il y a eu M. Pompon. Maintenant, bon, c'est complètement rasé. Il y a eu la maison d'un pompon qui était négligé. Les gens. On en parle jusqu'au Canada. Il faut savoir. Oui, c'était une légende. C'était une légende. Alors, j'ai été vérifié sur plusieurs sites. C'est une légende. Mais il faut savoir que la. Elle est restée très longtemps inoccupée. Cette maison a été considérée comme le deuxième lieu le plus hanté de France. Après l'abbaye de Mortemer, je pense en Picardie, il me semble, c'est ça. En Normandie, peut-être. Enfin, voilà. Okay. Et l'ironie du sort, c'est que pour finir, avant qu'elle avait été rachetée donc par des blacks pour la transformer l'église en église évangélique, c'est ça. Et elle a cramé. Ouais. C'est un incendie volontaire. Mais bon, en plus, moi j'ai envie de dire, les légendes sont créées pour être crues. Donc voilà. Donc après, J'ai déjà eu l'occasion d'y aller dans cette maison-là quand j'étais un peu plus jeune et d'y aller de nuit pour aller voir ce qui s'y passait. Il s'y passe absolument rien, mais bon. T'étais seul. Il s'y passait rien. Ouais, mais, c'est ça. Faut être honnête. Non, mais il s'y passait rien. Il s'y passait rien du tout. Viens voir, on va voir les loups. Voilà. Après, moi, je peux. Oui, effectivement, il y a eu des morts. Oui, bon, je connais des maisons où il y a eu des morts. Elles sont pas forcément hantées. Oui. Ouais, voilà. Puis après, on y croit pas. C'est de la légende urbaine. Absolument. C'est de la légende urbaine, c'est Tristan, ça. Ce que je te propose, parce que là, pour l'instant, on a parlé effectivement du spectacle. On a bien compris que c'était un spectacle déambulatoire dans lequel le public est acteur aussi. Hein, ouais, carrément, parce que c'est ça, spectacle. C'est devenir l'acteur d'un film d'horreur. C'est voilà, ça, absolument. C'est le slogan. On va revenir dessus juste après cette petite coupure musicale, ouais, oui. Ne serait-ce que pour rappeler et surtout les appeler, enfin pour dire les dates, à quel moment ça se absolument. Passe. Absolument. Et accueillir le groupe gospel aussi. Et accueillir aussi le groupe gospel. On va pouvoir en discuter enfin, justement avec le groupe gospel. Bien sûr. Juste après cette petite coupure musicale, mon ami Sherlock. Oui. Et ben alors, je vais continuer. On va dire un peu avec les anniversaires. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de. Comment il s'appelle ton voisin? T'as dit merde, tu viens de dire merde à la radio. Ouais, bah oui, bah écoute, toi des fois tu dis je t'emmerde, tu dis ta gueule. C'est tout à fait différent, moi je le pense. Non, c'est l'anniversaire de Joe Henderson, le chanteur de Yes. Ah d'accord. Ah oui. Ok. D'accord. Je vais vous passer Honor of a Lonely Heart. Ouais. Et ensuite, c'est également l'anniversaire de Matthias Jabs, le guitariste des Scorpions. Ah ouais. Donc je vais vous passer également Scorpions avec Still Loving You. 72 Non, il est né en 55. Donc 61. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, il est plus jeune. Ouais. Et bah ouais, quand même. Allez, bah c'est parti. Vas-y, ma poule. Move yourself. You always live your life. There's a thing.

Salut les gars, les filles, c'est Richard Gottener dans les écoutilles. Retrouvez-nous avec Harry sur RQC dans 80 heures. Je compte sur vous. Salut les gars. Ciao. Et salut les filles. Et oui, 80 heures sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, évidemment, de 20h à 22h30. Et ça, vous le savez depuis le temps, quand même. Ça fait depuis plus de 10 ans, même 11 ans d'ailleurs. Je pense que vous connaissez un peu les horaires et la station. Alors, on m'a demandé de rappeler la station et surtout de rappeler le site internet, parce que bon, on ne reçoit pas forcément sur le 95 FM. Je pense notamment à nos amis lillois ou à nos amis qui sont un petit peu plus loin. Évidemment, il y a le site internet, hein, www.rqc.be. Il y a un petit onglet, vous cliquez dessus où il y a marqué écoutez-moi. Je crois, ou écoutez-nous, enfin, j'en sais rien, un truc dans ce genre-là. Mais de toute façon, vous allez nous retrouver. Ou écoutez c'est pas. Sûr. Hein, nous, il y a écoutez pas. Ouais, c'est ça, là. Choisissez RTL. Voilà, donc évidemment, comme d'habitude, eh ben, il y a toute l'équipe qui est là au complet. Il y a du monde aujourd'hui. Avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir avec Flip 4. Et oui, bonsoir à tous. Avec Vanessa. Hello, bonsoir à tous. Avec Canon. Bonsoir. Alors ce soir, évidemment, donc on vous parle. Avec de... Harry. Oui, bah. Ah oui, bah, quand même, Harry. Mais arrête de croire que tout le monde te connaît. Il y a plein de gens qui me disent c'est qui le mec qui parle tout le temps. Je dis c'est Harry, il est là depuis 12 ans. On le laisse. Je peux tutoyer, Canon. Oui, vas-y, ouais, tu peux. Bon, on le fera en antenne. Oui, donc ce soir, vous l'avez compris, nous sommes avec Tristan. Hein, Tristan qui est tout simplement le chef d'orchestre d'un. Ah, le chef d'orchestre, c'est pas, il fait pas que de la musique, évidemment, c'est le metteur en scène, c'est le créateur d'un phénomène, on peut le dire quand même. En tout cas, ce phénomène s'appelle le Fantasma Violin. C'est ça. Donc c'est un spectacle, rappelle-nous un peu, donc déambulatoire, c'est un spectacle où le public le est public acteur. Le public est acteur, oui, du spectacle, c'est ça, c'est un spectacle déambulatoire. Les gens vont à la rencontre des entités qui hantent les lieux et essaieront de dénouer l'intrigue et comprendre pourquoi le lieu est tenté et comment ils vont réussir à rapporter l'harmonie dans le lieu, tout simplement, à calmer les entités, quoi. Alors, est-ce que c'est un spectacle, on va dire, éphémère, c'est-à-dire dans le sens où tu ne vas le jouer que dans les périodes d'Halloween, fin octobre, début novembre, ou alors c'est un spectacle où il y a plusieurs épisodes et tout au long de l'année, effectivement, on peut aussi assister à ce type de spectacle-là. Ah oui, alors peut-être je le referai peut-être plus à Halloween, enfin si peut-être au château de Bossoit encore l'année prochaine, mais je pense que c'est vraiment un événement qui doit être ponctuel. Hein. La représentation peut se passer n'importe où en France, par exemple. Et donc il va y avoir plusieurs spectacles du même type, donc de Fantasma. Donc après, ce sera sur une usine, par exemple. Ah oui. Sur une usine. Un Fantasma dans une usine, j'adore ça. J'aimerais faire ça aussi carrément ça dans. Mais ça peut le faire. Non, mais tout est lié. Les trois spectacles vont être liés en fait. Dans des friches, par exemple. Dans des friches. Ah ça, oui, dans des friches, ça serait génial. Et pour le dernier spectacle, je vais dire franchise, mais c'est pas vraiment une franchise. J'aimerais bien faire ça dans un village un peu abandonné. Ah, ouais, là ce serait le plus gros des tu sais, t'aurais une vieille radio avec quatre animateurs un peu style Muppet Show. Ouais, c'est un peu ça. C'est complètement grimé. Ouais, non mais moi je ferais Muppet, moi je fais show, tu le sais. Et là il dirait il y a une légende qui raconte qu'il y a un bon animateur parmi eux. Oui, mais on a toujours dit que t'étais bonne. Et alors maintenant il faut venir à l'essentiel, parce que c'est quand? Alors et c'est le 29 et le 30 octobre, donc samedi et dimanche prochain, donc au château de Bossoit à Avelgem en Belgique, hein, le château de Bossoit qui mérite vraiment d'être connu, hein, parce que pour les spectacles qui s'y mettent. Mais c'est pas très loin d'ici en plus. Non, hein. c'est pas très loin, c'est très beau. C'est le côté de Belgem, c'est un très très beau site. C'est un très beau site. Je connaissais pas moi, mais... Ce qui est important aussi aux auditeurs de souligner, c'est que là c'est pas une annonce désespérée 4 jours avant parce qu'il y a personne, c'est que c'est le contraire, c'est que c'est assez blindé. Et que si vous avez envie d'y aller, tu vas nous donner un peu les dates de disponibilité et aller parce que je crois qu'il y a un événement en plus particulier qui va regrouper l'ensemble des participants. C'est ça, ouais, je suis bon, hein. J'ai lu ta fiche. Profite, dans deux ans je me souviendrai plus. Mais je serai là pour te le rappeler sans doute. Vas-y. Oui, donc pour le samedi, il nous reste 4 séances de disponibles. Donc faut y aller, quoi, faut pas hésiter. Donc samedi parce que... 20 Donc samedi 29. Samedi 29, ouais, voilà, OK. 4 séances de disponibles. Donc on constitue son équipe et on réserve assez vite, hein. Sinon, mais de toute manière y a toujours moyen de réserver sur place, mais sauf que c'est un peu plus cher sur place du coup. D'accord. Alors c'est quoi les tarifs justement? Alors les tarifs c'est 13 euros la place. Voilà. Ah oui, non, c'est très académique. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui comprend déjà le spectacle qui est aux alentours de 40 minutes déjà. Oui. Et en plus de ça, les spectateurs qui ont fait le spectacle de Fantasma Violine sont invités à une soirée Halloween à partir de 20h du samedi 29 au soir. Ah, ouais, mais c'est bien. Voilà. Donc vous pouvez venir déguiser tous les participants. Même ceux qui font ça le dimanche, par exemple. On prend tous les spectateurs et on fait une soirée avec eux. Ah oui, donc ceux, avec qui, voilà. Ceux qui ont réservé le dimanche, ils peuvent participer. Ils peuvent participer bien à la soirée bien. Du oui, samedi oui, oui. Et mais... alors le lendemain aller faire le. Exactement. Alors la soirée, ça danse, c'est vraiment. C'est soirée dansante, oui, avec de la musique et de la fumée. Avec des vampires et. Avec tout des ça. Vampires. Oh, je vais venir. Des succubes, des tout, plein de trucs. Ah, excellent. Voilà. Mais il faut savoir que même si vous n'avez pas fait le spectacle, on vous pouvez toujours venir. Sauf que là, il y a un prix d'entrée du coup à 10 euros parce que. Ah bah oui. Oui, ouais, on a une carte de presse. De toute manière, les infos sont relayées sur Facebook. Il y a ouais, un merveilleux deux teasers d'ailleurs hein, qui traînent sur la toile. On l'a mis, qu'on peut, oui, ouais. Puis sur la toile et qui sont sur la page 80 à l'heure. Vous pouvez les retrouver. Alors, bah, pour le coup, on va les remonter. Mais c'est voilà, vous avez une très très belle vidéo qui est bien faite et très explicative. Voilà. Donc, non, ne manquez pas ça. À noter, tu me le disais, c'est pas pour nous faire la promo, mais l'année dernière, il y a des auditeurs d'RQC oui, qui exactement. Avaient entendu, qui y sont allés. Et bah, manifestement, ça, je comptais aussi souligner aussi parce que, comme je disais hors antenne tout à l'heure, l'année passée, donc enfin, c'est même pas l'année passée, c'est au mois de mars. Au mois de mars, donc on avait fait un premier jet du spectacle hein, pour le tester hein, aussi, donc à Lara, à Roubaix. Et genre 3 jours avant, j'avais pas de réservation, juste 3 séances de réservées. Et j'avais demandé à Canon de passer l'annonce. Et dans l'heure qui a suivi, ou dans les heures qui ont suivi, ça a fait un gros boom. Et j'étais complet, mais vraiment complet. Je suis tombé. En et fait, j'ai chuté. Je voulais demander le spectacle. Bah, écoute, il est c'est tout public, y compris les enfants. Ouais, tout public. Non, alors ouais, à éviter au moins de 12 ans quand même. Ah, parce quand que même. Quand même, il peut y avoir des. On sait jamais comment les gens ils vont réagir. Enfin, les enfants du ouais, moins. Ouais. Donc il y a du sang. Enfin, il y a des gens. Ah, ouais. Ouais. Femme de moins de 40, enfin, Onissa et enfant de moins de 12 ans. C'est dommage. C'est dommage parce que bon, on sera encore emmerdé le soir avec les coups de sonnette pour les enfants qui vont venir. Exactement, pour Halloween. Ouais. C'est pour ça que je me disais on allait être un peu tranquille. De toute façon, moi j'ai prévenu. Hein, si, hein. À coups de sonnette, à coups de pelle. Hein, après, ça dépend. Hein. Si vous estimez que votre enfant peut subir ce genre d'activité, enfin de spectacle, il n'y a pas de problème. Hein. Après, voilà. Mais c'est juste ça fait bien. Si vous voulez ramener que votre enfant subisse ce genre d'activité, soit traumatisé à vie, etc., voilà. Soirée Halloween spectacle. Sherlock avec un t-shirt de Chewbacca. Venez, nombreux. Au moins, il parlera du spectacle sur le divan d'un psy dans 20 ans. Voilà. Bon, après, c'est pas en tournant en humour, mais voilà, c'est un spectacle qui a très très bien fonctionné. C'est une petite niche, hein, comme je le dis. C'est pas les blockbusters qu'on voit avec 3000 personnes. Mais allez-y, parce que ben, pour tous ceux qui aiment un petit peu la solide, c'est vraiment quelque chose de bien constitué. C'est très sympa. Voilà. Absolument. Eh bien, on va changer un peu de registre, évidemment. Oui. Canon, un registre qui est complètement différent, mais tout aussi bien, si vous aimez le spectacle et le chant, évidemment. Alors là, on part sur plus des chansons autour de... Eh ben, tant pis, de Dieu, parce que Godspell, c'est un peu ça, hein. Ah, Godspell, oui, absolument, puisque c'est du vieil anglais Godspell qui signifie l'évangile, hein, en fait. Voilà. D'accord. Donc le Godspell, hein, qui est un genre de musique, alors rapidement, de musique chrétienne, à la base, avec des dominantes vocales qui varient selon la culture. Il s'est développé en même temps que le blues primitif, on va parler aussi de musique soul, on va parler de l'origine de ce style qui provient des Afro-Américains, et donc des Negro Spirituals, chrétiens, évangéliques, etc. Pour aller très très vite, parce que là, j'ai fait un long article, on va avancer un petit peu, on prend vraiment les racines... Les gospel hymns qui sont la première étape vers les gospel songs de 1930, voilà. Les gospel quoi? Les gospel hymns, les hymns, les hymns gospel, ah, en fait. Hymnes, voilà. Les oui, hymnes. Oui. Les mais je parle anglais un peu avec un accent néerlandais depuis que je suis en Belgique. Okay, ouais, parle hymnes. Voilà. Donc ce sont des hymnes traditionnels et des mélodies en vogue. C'est un courant, une mutation des chants rituels protestants blancs. Depuis les années 1870, on met des instruments comme l'orgue, l'harmonium, les instruments avant qu'on va rajouter en fait là-dedans pour donner un peu plus de texture, les claquements de mains. Les mouvements de corps que vous voyez, par exemple, pour pas le citer, mais des années 80, Sister Act. Ah oui, voilà, oui, voilà. Bah oui, pour pas le citer, par exemple. C'est les années 90, voilà. Sister Act. Ah bon voilà. Ouais. D'accord. Ah oui, oui, oui, c'est vrai que c'est plus. Oui, absolument. Ouais. Donc, début du XXe siècle, on voit surgir une véritable effervescence artistique pour les personnes de couleur noire. Les gospel hymns deviennent des gospel songs, dont les bases sont à la fois simples, et sophistiqué. J'adore ça, ça veut dire rien à tout dire. Oui, mais c'est ce qu'ils écrivent, parce que je ne l'ai pas inventé. Mais au début de ce siècle, on ne peut pas encore véritablement parler de gospel. Très rapidement, c'est incontestablement une révolte musicale contre une Amérique raciste. À la base, c'est quand même ça. Ouais. C'est une expression de la souffrance des Noirs, récemment émancipée à l'époque, mais encore sous l'autorité de Blanche, et particulièrement dans les États du Sud, d'où une très forte migration dans les grandes villes, Chicago, Détroit, etc. Ils ne s'engagent pas politiquement, pour autant, ça fait intervenir de plus en plus cette notion de Jésus-Christ, les apôtres, les évangiles, etc. Donc on est vraiment, comme sur des personnages de l'Ancien Testament, comme Joshua, feed the battle of Jericho, go on Moses, etc. On est vraiment quand même sur quelque chose de... Non, le terme liturgique n'est pas très... Mais enfin, voilà, chrétien, on est vraiment sur cette base. Donc, alors... Un petit peu la base du gospel, ça comporte des quartets vocaux et des chanteurs de renom. Les quartets vocaux restent en fait le phénomène le plus populaire du gospel. Ils sont composés de deux ténors, un baryton et une basse. Mais quand nous parlons de basse, voici par exemple ce qu'on appelle une basse en gospel. C'est une des plus grosses basses vocales du monde en gospel. Ça donne ça. C'est pas ralenti. Voilà, c'est impressionnant, c'est parce qu'on se dit, on est en train de rire en disant, il produit quand même des sons, parce qu'après, quand il note, il est juste. Hein, c'est-à-dire, produire des sons comme ça, c'est assez impressionnant. Donc, cette polyphonie à quatre parties, également appelée garçon, quartet, parce que vous foutez de mon accent, donc je vous dis. Ah, pas du tout. Il n'y a que mâle qui mâle. C'est largement inspiré des barbershop singers qui se réunissaient, en fait, dans les échoppes de coiffeurs. Et en fait, c'était vraiment quelque chose de traditionnel. L'harmonisation simple de ces quartets a la particularité de faire intervenir une voix au-dessus de la mélodie. C'est là que commencent à avoir les voix lead, on va en parler tout à l'heure, donc qui se posent autour de ce quartet qui tourne. Alors les quartets vocaux sont plus spontanés, prennent plus de risques que les chœurs universitaires qui réussit quand même, on en parlera peut-être avec l'intéressé tout à l'heure, à lasser un peu certains chanteurs lead, parce que c'était très très rigoriste et conventionnel, d'où un très grand succès, puisque ça lâche et c'est beaucoup plus vocal, c'est beaucoup plus acoustique. Les femmes les plus importantes seront la plupart, donc je passe très vite, on en entend parler à partir de 1945, parce que c'est quand même un courant machiste, c'est vraiment les hommes qui chantent et les femmes se taisent, malheureusement, encore à notre époque, on l'entend souvent dans d'autres registres. Né en terrain nord-américain dans un contexte anglophone est marqué par la lutte contre l'esclavage. Ce genre musical du gospel, c'est la diversité en fait des aires culturelles et linguistiques, puisque on a un gospel aussi francophone porté par les protestantistes des Caraïbes, de l'Afrique de l'Ouest, du Québec, de l'Europe de l'Ouest. Francophone, j'ai absolument jamais entendu de chansons. Donc, moi je reviens. Voilà. C'est vrai que je suis passé entre deux. Pour citer, puisque à vouloir faire rapidement, on peut citer un des plus connus. C'était le Golden Gate Quartet. Je parlais lors de la période de l'entre-deux-guerres. Oui. Donc là, si tu peux le passer, c'est un extrait. On va le faire très vite parce que voilà, qualité. Voilà, les Golden Gate Quartet, tapez un Golden Gate Quartet. Ça me fait penser aux Platters. Wow. Ouais, plus sur du commercial. Quand même. Ouais, d'accord. Mais au niveau des harmonies des voix, ça me fait penser aux Platters. Je pense que les Platters se sont peut-être inspirés du gospel. Ouais, je pense. Ouais. Absolument, non. Et pour, je dirais. Il y a plein de cette époque-là de groupes beaucoup moins connus. Puis il y a plein d'animateurs qui utilisent le micro quand ils parlent aussi. Oui, c'est vrai. Donc tu disais. Je disais à l'époque, entre autres des Platters, il y a eu plein de groupes qui ont. Ah oui, bien sûr. On appelait des groupes de doo-wop. Regarde Boney M. ouais. Alors pour terminer cette chronique, Sibylline, je n'ai pas résisté à vous faire écouter. Alors là, c'est un petit mélange. C'est en fait un mâle quartet très très professionnel. J'ai plus le nom, je l'ai pas noté malheureusement, mais je pense que on était un peu dans le style des Golden Gate Quartet et qui prend la fameuse chanson qui est c'est Joshua Fought the Battle of Jericho avec une voix que vous allez peut-être reconnaître puisque ce n'est plus Dieu qui chante, c'est The King. D'accord. Joshua Bitter Batter and Jerry Cole, and Jerry Cole, and Jerry Cole. Joshua Bitter Batter and Jerry Cole, and the horse come tumbling down. I got no sin. Joshua Bitter Batter and Jerry Cole, and Jerry Cole, and Jerry Cole. Joshua Bitter Batter and Jerry Cole, and the horse come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped. Voilà, non, je tenais. Bon, c'est vrai que c'est pas ma couleur musicale, j'adore le gospel, mais en fait, quand tu t'y intéresses, j'y connais rien, je n'entends que les belles chansons. Et là, c'est vrai que je voyais avec bon, un truc assez particulier, un quartet avec le King. À écouter jusqu'au bout parce que bon, c'est quand même le King. Il envoie ses vers, il est complètement crédible avec ce quartet. Hein, ça... Et d'ailleurs, il est mort ou pas? Pardon? Non, je déconne. Je déconne. Le quartet est toujours vivant. Voilà, donc c'était une présentation bah, pour vous situer un peu le gospel que tout le monde connaît, mais c'est vraiment un courant culturel qui est ancré dans des, voilà, des traditions de souffrance, de passion et du Christ. Et justement, si vous avez envie de découvrir en live ce qu'est un gospel, eh bien, ça tombe très bien puisque nous avons l'honneur et le plaisir donc de recevoir Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie. Ça fait les alcooliques anonymes. C'est ça. Et t'as arrêté de boire depuis combien de temps? Qui va nous faire le plaisir de nous parler d'un spectacle qui va avoir lieu. Tiens, dis donc, à la Grange. Eh ouais, tiens. Ce qui est devenu une salle de concert maintenant. La Grange, rue de la Vellerie, donc à Moucron. Donc un spectacle qui aura lieu donc le 29 octobre. Donc on y est. On y est. À concurrence. Alors c'est un concert gospel, mais aussi il y a aussi de la Zumba. Alors il va falloir que tu m'expliques, Marjorie, Zumba, un peu le principe. Ben voilà, j'ai cette chance de pouvoir organiser cet événement de Zumba et de concert au profit des associations que je vais représenter sur un défi extrême au mois de décembre. Ouais. J'ai à cœur de donner un maximum à ces associations qui m'apportent également. Donc il est parfois juste de relancer un peu la perche et la balle à l'autre. Donc voilà, je travaille dans le milieu artistique, je chante avec ces artistes-là, j'écris pour eux, je produis un peu leurs clips vidéo. Et voilà, donc quand on donne, on reçoit. Et je leur ai parlé à tous ces artistes-là, donc j'ai envoyé un message à beaucoup d'artistes en fait en soi, et j'ai eu les réponses de 6 personnes, ce qui est déjà pas mal, donc ça me fait un concert de 2h30. Donc ces artistes viennent de manière bénévole. Ouais. Donc il y a Stan qui vient lui de Paris, donc bien loin de Paris, qui est un ancien missionnaire. Un ancien missionnaire, voilà. Donc il a vraiment bossé longtemps en Afrique dans les milieux les plus pauvres. Ouais. Et puis bah voilà, il s'est lancé dans la bonne voie, avec un X comme avec un E. Puis il y a Mike qui est médecin, ouais, à la base, qui est extrêmement, enfin c'est un très bon chanteur gospel, donc également. Il y a Marilyn qui vient de Liège, il y a Pierre qui vient de Paris, il y a Paul qui vient d'Orneton et Fenke qui vient des États-Unis. Ouais, qui chante tous. J'ai eu l'occasion de rapidement, puisqu'on a échangé avec Marjorie. Hein, voilà, ça chante diablement bien. C'est du bénévolat, ça n'a rien à voir. Bah, de toute façon, ça serait même honorable. Mais pour autant, ça chante très bien. Hein, c'est des chanteurs vraiment qui envoient. Au niveau du gospel, voilà, il y a le negro spiritual, ok, mais il y a différents types de gospel. Il y a la gospel techno, il y a la gospel rap, il y a la gospel soul, ouais, la gospel jazz. Donc il y a plein de variantes, je dirais, musicales et instrumentales. Donc je pense qu'on pourra toucher au moins un cœur dans chaque diversité de voix. Et ben voilà, donc il y a la Zumba également qui sera là. Donc je pense l'un dans l'autre, amener un maximum de monde pour justement, bah, pour ces ASBL. Parce que j'ai été contactée donc, par un président d'une association qui s'appelle Rêve d'Ange. Oui. Donc Stéphane Carreto, qui m'a contactée en disant « Écoute Marjorie, j'ai un gros projet donc de défi extrême. Ça se fera à Font-Romeu en décembre. Tu seras accompagnée de 15 champions du monde. » Moi, je ne suis pas championne du monde, je suis peut-être championne de la vaisselle. Chacun son truc. Ah, ça, c'est bien. C'est très, très bon à savoir. Donc, voilà, le défi extrême, il est là en lui-même. Donc, je me dis, OK, Stéphane. Mais c'est quoi le défi extrême? Voilà, j'en viens justement. Donc, moi, je ne suis pas championne, je suis une nana, voilà, tout simplement, qui fonctionne avec mon cœur, mais qui subit le handicap maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Donc, je suis paralysée de la jambe complètement. La maladie, elle est là, elle me mange un peu, mais moi, je mange la vie. Bien. Et en fait, le défi extrême, donc, c'est faire un trekking en montagne, donc, mm-hmm, où il faut que j'atteigne, moi, le sommet à 2200 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Wow. Ouais, juste par la force de mes bras. Donc, de pouvoir planter le drapeau de mes associations, donc, qui est ASBL, un rêve, une étoile, tout est possible. Il y a l'enfant, il y a Kiara, il y a Outi Boulder et Gospel Sound Music. Donc voilà, on enchaîne après sur du rappel, sur un des plus grands canyons de France. sur du canyoning, sur du canyoning avec un petit saut de, apparemment qui sera bien haut. Ouais. Et on enchaîne en défi extrême. Donc là, enfin, c'est vraiment beaucoup de préparation physique. C'est sur un défi en apnée sous la glace. Wow. Ah oui, non, mais c'est ça. Oh, d'accord. Moi, quand on m'a envoyé ça, je dis ça se va se faire dans une piscine, tu sais qu'on fait. Ah, oui, non, c'est des trucs de ouf. C'est des trucs de ouf. Tout en chantant le gospel. Je chante. Exactement. Parce qu'en fait, quand j'arriverai là-haut sur le sommet de la montagne, il y a le chant de Josh Groban, You Raise Me Up, qui me tient. Ça tient. You Raise Me Up. C'est pour ça, en fait. Non, mais avant. Je suis très bankable, moi. Avant même que je le sachais. Ce chant, voilà, me porte. C'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça, en fait. Il est vraiment un chant super important. Ça veut dire que je me relève dans chaque situation. On a tous notre montagne à monter. On a tous des difficultés dans la vie. Et le défi extrême, je pense que les gamins le surmontent tous les jours. Moi, je suis très souvent à l'hôpital. Voilà, la maladie ne m'a pas épargnée. Donc, en 10 ans, j'ai quand même subi 42 opérations. Ah oui. Les chimiothérapies, je les connais. Enfin, voilà, tout ça, je connais. C'est mon quotidien. Mais j'ai envie de bousculer les choses en disant « Ok, c'est pas parce que je suis nana, c'est pas parce que je suis handicapée que tu m'empêcheras de vivre. La vie, j'en fais ma force. Et je vais la grappiller, mais je vais leur prouver que rien n'est impossible à celui qui croit. » Et c'est cette phrase qui sera plantée là-haut au sommet, où je pourrai interpréter, j'espère, ce chant, si j'ai encore le souffle pour aller là-haut. J'en attrape des frissons. Ah oui, dis donc. Non, mais c'est vrai, sérieusement, sans blague. Mais non, mais voilà. J'ai les poils qui hérissent, enfin, mais quelques poils. Il faut aimer la vie, parce que la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un miracle. Et trop souvent, on la bousille bêtement. Oui, enfin, tu sais, ma vie, elle n'est pas bien parce que je n'ai pas le dernier téléphone. Ah, parce que j'ai une griffe dans ma bagnole. Mais sois reconnaissant. Tu as pu ouvrir tes yeux ce matin. Il y en a qui n'ont pas pu. Eh oui. C'est fini à tout jamais pour eux. Mm-hmm. Alors, mais dis merci. Moi, je le fais chaque matin. Je me lève, je dis, oh purée, enfin, je suis vivante. Je remercie le ciel parce que oui, j'ai la foi. Oui, je crois en Dieu. Je remercie Dieu parce que je suis vivante, mais parce que mes enfants ouvrent leurs yeux également. Je leur souhaite le meilleur pour la journée. Et quand le soir je me couche, je me dis, mais merci, encore une journée. Tu sais quoi, Marjorie, je vais dire une chose. C'est pas étonnant que quelque part tu aimes le gospel et que tu le chantes, puisque donc, quelque part c'est aussi l'essence même du gospel. Et c'est aussi l'expression de ta foi. L'expression du gospel, les paroles, c'est te rejoignent vraiment dans ce que tu fais. Mais moi, le gospel, en fait, je l'ai rencontré. Je suis tombée dedans, je dirais pas comme Obélix dans la marmite, mais en 2010, alors que. Défi extrême. Voilà. je venais de côtoyer la mort, donc les médecins me laissaient très peu, me laissaient une demi-heure de vie. Donc j'ai dû faire mes adieux à ma famille. Ouais. Et puis je me dis, mais non, moi je veux vivre. T'es qui pour me dire, toi tu vas mourir? Il n'y a qu'une seule personne qui pourra me dire que je dois mourir, c'est certainement pas toi. Et puis je ne sais pas où j'ai pu pêcher cette force de me dire, ok, je vais me relever. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas parce que je suis à genoux que je suis KO. Mm-hmm. Et des fois c'est dur, ok, des fois je pleure, on ne peut pas penser. Bien sûr. Mais moi la vie, j'en suis reine dingue amoureuse. Limite, presque je serais fidèle à mon mari. Mais la vie, je l'aime. Je suis handicapée, et alors? Mais moi, je pense que c'est parce que tu savais qu'à l'époque, le 25 octobre donc 2016, tu serais à l'antenne de RQC dans l'émission 80. Voilà, rien que ça, je pense que c'est ça. Voilà, et c'est l'anniversaire à ma princesse, donc Coraline. Ah, bon anniversaire aussi à ta princesse. Et un jour, elle a entendu Canon chanter You Raise Me Up, elle s'est dit super. Alors, Marjorie, j'ai envie de dire une chose, ton histoire est merveilleuse, je ne sais pas si tu es du coin. Je suis de Moucron. Ah, bah voilà, écoute-moi ce que je te propose, parce que malheureusement, le temps nous est compté et. Nous ne savions pas de prime abord que tu pouvais nous raconter de telles choses. Mmh. Et je pense qu'il serait intéressant peut-être qu'on s'organise une émission où on ne puisse parler que de toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, peut-être. On peut parler de la vie en mais général. En tout cas de tes associations et de ton défi, du défi du mois de décembre. Et ça, je pense qu'il faudra qu'on se consacre une émission entière. Mais il faut venir le 29 octobre. Une chose en question, par contre, bah, tu vois, moi-même qui suis. On avait préparé. Toutes ces associations, en fait, le but, c'est quoi? Les fonds sont reversés. Alors, voilà. Donc, parce qu'on n'a pas parlé. Au jour d'aujourd'hui, donc, je frappe quasi à toutes les portes, même celles qui sont fermées à double tour. Donc, je suis plutôt téméraire, et quand on me dit reviens, ben je reviens. Et tant qu'on ne m'a pas donné, je vais retoquer. Il ne faut pas me dire ok, je te promets, ben, tu me promets, tu donnes. Voilà, ce n'est pas pour moi, c'est pour les associations. Donc mon objectif, moi, voilà, il y a l'événement du 29 octobre, donc on enchaîne sur la Zumba Kid dès 16h, la Zumba ado adulte à 17h30, et on enchaîne sur le concert gospel avec ces 6 artistes dès 20h. Donc tous les fonds, tout l'argent récolté jusqu'au centime sera reversé intégralement aux 5 associations. Donc d'accord. Je leur ferai un chèque officiel au mois de janvier, parce que moi je pars en tournée Gospel for Life également dès mi-novembre. Oui, on en parle. Oui, c'est pour ça. Il y a aussi tout un groupe derrière de voilà, avec. Donc moi je vais représenter ces 5 associations qui me tiennent tout à cœur, parce que voilà, elles sont importantes en moi. Je pourrais toutes les prendre, je les prendrai, mais je vais me battre pour elles. Et quand on n'a qu'une parole, on la donne. Bah, saluons ouais, d'ailleurs aujourd'hui l'association. Alors, comme les autres, mais on les connaît moins, mais c'est Un rêve, une étoile et tout est possible, qu'on avait déjà reçu récemment et de nombreuses fois. Je les remercie, hein, donc, les Topines, la Véro, Béa. Et Véro et Béa qui sont présentes avec nous. Voilà. Voilà. Eh ben, écoute, on rappelle donc c'est le 29 octobre. On salue toutes les autres qui nous écoutent, évidemment. Donc, le 29 octobre donc, à La Grange, ça commence donc à 16h. Donc, pour la partie Zumba pour les enfants, évidemment. Après, il y a 17h30 pour les adultes. Et bien sûr, le concert à partir de 20h, 12€. Si on veut plus d'informations, il y a un site internet. Il y a mon numéro de téléphone de toute manière dessus. Donc, C'est le 0477-39-38-10. 0477-39-38-10. Mais on va le relayer sur la page Facebook. Canon le fait très très bien. Ouais, bon, les demandes en mariage, ça je prends pas. Hein, non plus. Bon, c'est dommage. Ah, merde. Moi je la retire. Et voilà. Donc tout à l'heure, en gospel, voilà. Logiquement, on devait chanter Amazing Grace, mais je crois que je vais m'y coller. Ça n'est que partie remise. Et puis j'ai ramené un album de Gaël, l'artiste avec qui je travaille. Et ben on écoutera un des titres justement de Gaël, avec laquelle. Alors qui sera pas par contre au spectacle, c'est ça? Pardon, non. En fait, Gaëlle n'a pas pu venir parce que elle est déjà en représentation ce moment-là. Donc, elle est venue chanter le 7 octobre à Moucron, de manière à ce que je puisse bénéficier de la gratuité de la salle. Donc, c'était un donnant pour un rempli. C'est bien, c'est bien. Donc on remercie Gaëlle. Elle est adorable. Voilà, Gaëlle, c'est une nana qui a un cœur extrêmement grand. Et voilà, qui travaille vraiment avec son cœur et pas forcément avec le porte-monnaie. Alors, on rappelle donc que c'est Marjorie qui est donc l'instigatrice. Je dis pas Marjorie parce que j'ai oublié ton prénom. Donc, on est avec Marjorie, évidemment, qui est donc l'instigatrice. Tu peux la tutoyer. Donc, on est avec Marjorie, qui est donc l'instigatrice donc, de ce spectacle qu'on va intituler « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Exactement. Parce que c'est un peu ça aussi, le leitmotiv du spectacle. Tout le monde peut dire tous les jours. Ouais. Voilà, donc le 29 octobre. Nous sommes aussi également avec Tristan, on le rappelle, Tristan qui nous présente Fantasma Violine. Oui, mais les gamins peuvent pas l'Halloween, donc ils peuvent venir me voir. Aussi, voilà. Absolument. Ceci dit, au passage, il reste très très peu de place pour Fantasma Violine. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, Tristan, mais il reste très peu de place. Donc c'est au château de Beausseuil, donc à Avelgem. On va en reparler juste après, évidemment. Si, Tristan, je te parle de films des années 80, tu me dirais, tu me donnerais quel titre? T'as dit putain ? Marraine, de putain. Alors ça, on va le dire à ta marraine. Marraine, elle nous écoute. Elle l'a entendu. Je prends au dépourvu. Moi, j'écoute tout. Je te prends au dépourvu. Si je pose la même question à Marjorie, par exemple, un film des années 80. En 1980, d'abord, je ne pouvais pas regarder la télé, donc c'est un peu marron pour moi. Ouais. Mais il y en a plein, en fait. Allez, un film. Ils nous le font tous, là. Il y en a plein. Il faut trouver le bon, quoi. Ah ouais. Mais c'est ton époque, en plus, 1980. Eh bien, bien avant, moi. Tu dois avoir 40 ans, là, à ce moment-là. Ah, oui. Eh bien, c'est pas grave, puisqu'effectivement... En 1880. Eh bien, on va y retourner dans les années 80. On va y retourner. Je vous propose de retourner dans les années 80. Nom de Zeus ! Ah ouais, mais non. À chaque fois ça marche. Merci Charlotte pour ta chronique. Donc on va envoyer une coupure musicale. Non. Donc là c'est la chronique Ciné Retro 80, où là je vais essayer de vous faire deviner un film des années 80 que j'ai revu moi cette semaine, parce que je l'avais déjà vu il y a très longtemps. Et donc je vais vous passer des extraits, soit des extraits sonores du film, soit des musiques qui font partie du film, et vous allez essayer de me le trouver. Alors si vous l'avez trouvé dès le premier extrait, ne le dites pas tout de suite, essayez de donner aussi des petites indications à vos amis autour de la table. Alors on va commencer tout de suite, je vais vous dire déjà que le film est sorti le 28 octobre 1981. Et là vous allez me dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Là oui, c'est sûr. Non, c'était un mercredi, et j'ai vérifié, ça sortait déjà le mercredi en 81. Ça sortait déjà le mercredi. Eh oui. Donc ouais, j'ai vérifié, tu vois. Donc Flip 4 avait dit des conneries la semaine dernière. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que t'as vérifié. C'est ouais, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai dit comme conneries? Ah bah ça sortait le jeudi. Non, j'ai dit que j'ai connu une époque où... Oui, non, mais c'est clair. Ouais, il y a non, mais ça, c'était en 1850 aussi, c'est pas pareil. Oui, quand t'avais été voir la Guerre des Boutons. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est voilà. Alors, donc, la musique est de Claude Angel. Ah ouais. Et la musique du film, c'est celle-ci. Bah oui, évidemment. C'est un film français. Oui, c'est un film français. Rien à voir avec les biscottes. Non. Les biscottes. Ouais. Non. Ah non, c'est pas la cage aux folles. D'accord. On est sur un grand acteur, un monument. Oui. C'est un monument du cinéma français. L'acteur principal. Ouais, enfin, c'est pas vraiment du cinéma français, mais. Ah ouais. Ouais, enfin, c'est peut-être pas. Mais il y a un acteur français qui est un monument. Ouais, quand même, bah oui. Non, mais l'acteur principal est un monument. Ouais, c'est un monument. C'est ouais. un monument, mais il n'est pas l'acteur. Hein. Ouais, il n'est pas l'acteur à la base. D'accord. Non, c'est pas ça. L'Arc de Triomphe. Alors, il faut savoir quand même. Il faut savoir que même si la musique ne vous dit rien, le film a quand même fait 3 105 000 entrées. Au box-office Ouh, français. Ben ça va, c'est à cause de ça qu'on s'en souvient pas. Donc c'est un très très gros film pour l'époque, c'est beaucoup, ah bah, beaucoup d'entrées. Oui, et Tristan, ça lui parle. Bah non, moi je... D'accord. Est-ce qu'il y avait de l'horreur? Est-ce qu'il y avait un violoniste? Est-ce qu'il y avait du sang? Non, il n'y avait pas de sang. Ah, c'est pas urgent. Un violoniste, ouais. L'acteur principal, jouait du violon, mais pas dans le film. Ah, ouais. Tu vois, Tristan. Oui. Attends, il jouait du violon, mais pas dans le film. Il joue du violon dans la vie. Ouais, il a déjà joué du violon dans la vie. Ah, André Rieu. Pas du tout. Alors, je vais vous faire écouter le deuxième extrait. Est-ce qu'il y a une chaussure noire ? Non. Non. Alors écoutez le deuxième extrait, c'est un extrait du film. Les quatre premiers qui sauront me dire où se lève et où se couche le soleil seront chefs de groupe et auront une boussole. Alors qui sait où se lève et où se couche le soleil ? Toi, vas-y, dis-moi où il se lève le soleil ? Il se lève dans ma cuisine et il se couche dans la chambre de mes parents. Ah ben c'est bien, comme ça ils doivent pas avoir froid au moins. Mais ta cuisine, elle est à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, t'en sais rien ? Elle est à côté de ma salle à manger. Ah bon, à côté de la salle à manger, alors tu seras pas chef alors. Ouais, alors là, ça devient trop simple. Hein. Oui, bah oui, forcément. Mais en même temps. L'avantage, c'est qu'on n'a pas reconnu sa voix. C'est pas comme si c'était un monument. Mais j'ai essayé de trouver d'autres extraits de films, mais ça parlait beaucoup moins. Ouais. Et de cette-là, ça aurait pas. J'ai connu la musique d'entrée, moi. C'est plutôt. C'est vrai connais... Oui, bien d'accord. Sûr. C'est plutôt instructif comme film. Oui, c'est assez instructif. Il y a Valérie Mérès qui joue dedans. Oui. Non. Si. Ah non. C'est pas Mérès. Si, c'est Mérès. Non. Valérie Mérès ne joue pas dedans. Non, mais il est alors, je vais vous donner des. C'est pas Balasco ? Si, alors, il y a Josiane Balasco, Roland Giraud, Charlotte de Turckheim, Richard Gottener. Ouais. Alors, Richard Gottener avec cette musique-là. Alors, ça fait... je me rappelais pas hein, de Gottener. Alors ouais, donc Richard Gottener joue, il joue dedans. Il joue dedans, ouais, il joue le rôle d'un chanteur et il chante cette chanson. Donc, ah d'accord, super. Ouais, c'est pas foulé. Hein. Il joue le rôle d'un chanteur dans un mariage. Il y a également Claude Bertrand, André Chaumeau, Christian Bouillet, Jacques Martial, Yvette Petit, et j'en passe encore. Et des meilleurs. J'ai pas tout noté. Le film est de Claude Berry. Ouais, pas étonnant. Alors, je vais vous donner un autre extrait du film, c'est celui-ci. C'est un extrait également de dialogue. Eh hey, monsieur, comment vous appelez ? Ah, alors il faut aussi que je me présente. Voilà, je m'appelle Gérard Barbier, je vais vous l'écrire. Monsieur, il y a deux P à m'appelle. Il y a deux P à t'appelle ? Appel, ça prend deux P. T'es sûr ? Oui. C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir. Il y a deux P à t'appel. Ouais, il y a deux P à t'appel, ça m'avait fait rigoler. C'est marrant parce que moi, le titre... Le titre ne revient pas. Ah, mais moi non plus, ça j'ai plus, je vois très bien que c'est un film. Titre qui a un rapport a un avec... Il y a un article et puis le nom juste derrière. À l'apostrophe, non ? Non. Non, ah, c'est pas celui-là. Ouais, c'est pas l'instituteur. Ouais, je croyais que c'était l'instituteur. Ouais. C'est genre masculin, l'article. Oui, l'article est du genre masculin. Ouais. Bah il y a des lettres de l'alphabet dans le titre. Ouais. Oui, il y a des lettres de l'alphabet. Attends, je vais vérifier quand même. Alors, et le générique de fin, le générique de fin est chanté par Axel qui a trouvé en tout cas. Ah, d'accord. Ouais. Alors, le générique de fin est chanté par Alain Souchon et le titre de cette chanson, c'est le titre du film. Alors, écoutez bien. D'accord. Ah. Voilà septembre qui me tombe sur le moral. Je vais reprendre mon air absent sentimental. Enrouler les reptiles dans le formol. Me v'là dans le bocal, je suis qu'un maître d'école. Je dis que ça vaut pas le coup pour. Alors, donc, on vient juste d'entendre le titre. Et évidemment, alors, Marjorie va le dire, elle va se faire le plaisir de le dire. Maître d'école ? Oui, c'est ça, c'est le maître d'école. Ouais. Effectivement, donc c'est un film, donc je vais donner un petit peu le pitch. C'est Gérard Barbier, donc, qui est joué par Coluche, qui est vendeur de jeans et qui est renvoyé. Comme il est possesseur du baccalauréat, donc à l'époque c'était assez facile de devenir prof, on va dire, il décide de devenir instituteur suppléant, donc il est nommé dans une école et il s'aperçoit vite que le métier d'instituteur n'est pas comme il imaginait. Donc ouais, là, il va s'en suivre. Ouais. Alors, donc, Claude Berry s'est inspiré du livre de Jules Selma, parce que oui, c'est tiré d'une histoire vraie, donc qui était, le titre, c'était Journal d'un éducastreur. Ouais. J'adore. Ah, ça m'étonne pas. Donc, pour écrire ce scénario, Jules Selma avait été engagé comme maître suppléant et avait expérimenté des méthodes qui consistaient à laisser faire à ses élèves ce qu'il voulait en toute liberté. Celui-ci officie d'ailleurs en tant que co-scénariste du long métrage avec Claude Berry. Le maître d'école marque la seconde collaboration de Claude Berry avec Coluche. En 70, il l'avait fait débuter sur le grand écran avec Le Pistonnet. Et ensuite, on le retrouve avec Ciao Pantin en 83. Ah, Ciao Pantin, ouais. Ouais, Ciao Pantin. Le Pistonnet, ouais, je connaissais pas non plus. Ah ouais, ça dit rien du tout, ça. Avec le maître d'école, Claude Berry a souhaité, sous le couvert de la comédie, démontrer à quel point le métier d'enseignant est difficile. Dans une interview accordée donc au magazine Première à la sortie du film, le cinéaste déclarait ainsi avoir voulu démontrer combien pour un enseignant la frontière est fragile entre la liberté et la discipline. Néanmoins, il tenait avant tout, avec son long métrage, à interpeller les enfants et les adolescents, tous ceux qui ont souffert et souffrent encore à l'école. Alain Souchon donc interprète le titre Le Maître d'école, donc on entend ici en fond sonore, donc lors du générique de fin. Ce dernier a été écrit et composé spécialement pour le film, et il faut savoir qu'il n'est jamais sorti sur un seul de ses albums. Il est seulement sorti en single, en face B, sur le titre de Somerset Maugham, qui lui-même n'a jamais été non plus sur un album. D'accord. Ce qu'on comprend aisément. Ouais. Et alors donc, pour finir, dans le rôle du père de Charlotte, donc qui est joué par Charlotte de Turckheim, on retrouve Claude Bertrand, connu pour ses doublages. Il prêta entre autres sa voix à Roger Moore, Bud Spencer, Charles Bronson, Burt Lancaster et au personnage de Balou dans Le Livre de la Jungle ou Petit Jean dans Robin des Bois de Disney. Okay. D'accord. Bon, t'en fais. Rien que ça. Ouais, voilà, voilà. Eh ben écoute, très, très bonne rétrospective, vous l'avez vu. Alors Marjorie, tu avais vu le film évidemment. Mais évidemment, j'avais ça a marqué ta jeunesse. Exactement, la preuve, regarde. Eh ben oui. Canon pareil. On est bien conservé quand même. Canon pareil. À la maison de retraite, ouais, je regardais ça en noir et blanc. 4 pareil, j'imagine, oui, tout le monde avait vu. Plus, oui. Tristan aussi, hein, il trépigne là en disant. J'étais pas né, mais ouais, je l'ai vu quand même. Tu l'as vu quand même. T'es très pané. Allez, ce qu'on va faire, on rappelle quand même évidemment qu'on est dans l'émission 80 à l'heure sur RQC Lorraine 5 FM, que nous sommes donc avec Marjorie pour le spectacle qui s'intitule « Rien n'est impossible à celui qui croit », mais en fait c'est un spectacle à plusieurs tiroirs, puisqu'il y a une séance de Zumba pour les enfants à 16h, ensuite une séance de Zumba pour les adultes à 17h30, pour et un parents, super voilà. Concert gospel donc voilà. À partir de 20h, donc c'est à la Grange. C'est à la Grange, voilà, 12 euros donc des 20h. C'est vraiment pas cher pour 2h30 de concert. Bah. Avec une belle brochette, Stan Phillips, My Shining, Marilyn, Pierre Lowe, Paul Olivier et Funk. Oh là. Funky. Yuling Grace. Ah, Yuling Grace. Yeah. Elle vient de Phoenix. Bah, voilà. C'est juste à côté, quoi. Et puis on rappelle aussi que nous sommes avec Tristan pour Fantasma Violine. Là, c'est pareil, il va falloir aussi vous précipiter pour les réservations parce qu'il ne reste que 4 séances. Donc, il y en a 5 quand même. Ouais, c'est sur 2 jours, hein. Je sais pas si je voulais. Si, samedi et dimanche, on a écouté. Non, mais voilà, c'est le samedi, donc le 29, il y a 4 séances disponibles. Donc il faut rappeler quand même que c'est des groupes. Donc les séances sont faites par groupe en fait. Ouais. Groupe de mais on de peut trois. On peut intégrer un groupe, on est tout seul, mais on peut venir intégrer un groupe. Oui, on peut effectivement intégrer un groupe. Ouais. Si par exemple il y a un groupe de 4 filles qui manque une personne, moi je suis partant, c'est quand Mais et je crois que elles seront parties avant. Si toi t'es partant. Et donc le dimanche, il reste encore 5 places hein, dimanche. Donc dimanche 5 places. Ouais. Okay. Bon. Et ça finit, on finit en fiesta Halloween après. Non, c'est samedi. Hein. C'est le samedi soir. J'ai rien suivi, mais c'est très bien. Dimanche généralement. ça marche, marche pas. Ouais. Eh bien, on va continuer en musique et on va se retrouver après, bah, effectivement, avec... bah, tiens, Eonissa, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, celle-là. Oui. Tiens, juste après ça. On était bien juste après ça, ouais. Donc, après, juste après Gaël Lauré. Ouais. Donc que Marjorie Marjorie m'a gentiment passé son album et donc je vais vous passer le titre d'homme. Il est marqué d'homme dessus. Voilà. Ah oui bon bah... c'est pour d'homme. Mais je vais le passer pour Marjorie quand même. Merci. Bon, pour les auditeurs également. Hein. Bah oui bien sûr. Mais et donc je vais vous passer le titre Take Back et ensuite on reviendra donc là petit hommage à Tristan avec le titre Thriller de Michael Jackson pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. Pourquoi il ressemble pas à Michael Jackson? Non, mais il faut savoir que à Thriller, si. Il faut savoir que aujourd'hui est décédé, enfin en 93 est décédé Vincent Price qui faisait la grosse voix. Voilà, c'est ça, la grosse voix à la fin de Thriller. Ouais, donc c'est pas la grosse voix là, mais bon. Allez, c'est parti. Take back. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Et oui, vous êtes toujours sur RQC, l'émission 80 à l'heure. Donc, nous avons écouté deux titres qui avaient rapport avec nos deux invités, super géniaux d'ailleurs, qui nous annoncent un super week-end. En parlant de talent, moi je voudrais vous parler de Tivoti. Nous l'avions reçu il y a trois semaines à peu près pour son concert qui se passait au Circambule. Et je dois dire qu'on a passé une super soirée. Il y avait Sherlock qui était avec moi. Oui. T'as passé une super soirée avec Sherlock. Oui. Et oui, comme quoi, il y avait un love seat. Et ben, nous étions comme très quoi, bien. Tout peut arriver. Ouais, on a vu un petit truc intimiste que j'ai vu passer sur Facebook en live. Ah oui, mais c'était vraiment... Et puis... Alors, raconte-nous un peu le déroulement du spectacle, parce qu'apparemment, il y a eu plein de surprises. Oui, déjà, il y a eu plein de surprises, l'accueil, la mise en scène, enfin, c'était vraiment super chouette. Et puis, bon, c'est un auteur qui, vraiment, ses mots, il porte. Mais alors, avec l'orchestration, c'était... franchement, magique. J'ai redécouvert des titres. Ouais. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Le titre, c'est Le Temps. Je l'ai redécouvert. J'en ai eu des frissons. C'était magnifique. Franchement, je l'avais déjà entendu façon album, masterisé, ouais, tout studio, ça. Ouais, bah ouais. Mais franchement, là, je l'ai vraiment redécouvert. Il y a eu également il l'a fait en deux parties. Il y a eu, on va dire, un entracte. Au début de la deuxième partie, il y a une voix qui est passée dans les enceintes. D'une personne d'un certain âge, 92 ans quand même, qui nous a parlé de la salle du Circambule. C'était la salle qu'on appelait la salle du bien-être avant. Et en fait, c'était le papa de Véronique, la femme de Tivoti. Qui lui était gymnaste dans son jeune temps et qui avait été donc dans cette salle du Circambule, donc il nous a parlé un petit peu de tout ça et c'était franchement c'était vraiment émouvant, magique et limite on s'imaginait le voir là en train de faire des acrobaties dans cette salle vu comment il en parlait. On était vraiment transportés et même Tivoti a eu les larmes aux yeux, enfin c'était vraiment fort gros, en émotion. Oui, un gros moment d'émotion, c'était vraiment un moment de partage, c'était vraiment que du bonheur quoi, vraiment. C'est ça. Et alors les titres avec l'orchestration, et ça donne encore une autre dimension et je trouve que c'est génial qu'il l'a fait au Circambule maintenant parce que c'était vraiment magique. Comme dans Mais ça, moi je connais pas le Circambule, mais c'est quoi? C'est sympa. C'est une petite salle. Hein, elle est pas très très grande. Mais c'est une salle où les artistes cirque viennent pour s'entraîner. Ah oui, c'est bien. Ouais. On a des trapèzes qui sont accrochés au plafond. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'était chouette. À la base, les enfants peuvent faire, enfin parce que les petits gamins, je peux vous le dire, peuvent faire de l'initiation au cirque. On leur apprend aussi, avec des ballons, avec vraiment l'initiation, à jongler, tout ça. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Et puis, alors, j'ai plus le nom. C'est pour ça que c'est surprenant. Il y a deux artistes là-dedans qui travaillent, qui sont vraiment des acrobates de cirque que j'avais rencontré à l'époque. Alors je sais plus qui, je sais pas si c'est de la famille, tu vois, mais Et c'est vrai que voilà. Donc rappelons que Louis Tivoti était vraiment un très très bon artiste. Donc quand il a dû interpréter mon chapiteau, ça devait être merveilleux. Ah, c'était... Oui, c'était super. Ah oui, franchement. C'est... Et puis c'était un hommage en même temps, pour les remercier vraiment pour... Parce que bon, il faut savoir que pour le... quand même pour son clip, tous les enfants ont participé, la directrice de la salle d'ailleurs. Oui, la directrice de la salle. Alors il y avait Max Davy également, oui, bien sûr. Qui lui était là, oui. Qui faisait la présentation du concert de Tivoti samedi soir, qui nous a fait aussi un tout petit tour. Ah d'accord, ouais. En fait, il parlait justement du fil du temps, il avait pris un ballon de baudruche, auquel il coupait en fait la ficelle petit à petit, et après on voyait, il reprenait tous les petits morceaux de ficelle, il faisait une petite boule, et hop, quand il retirait ses doigts, en fait toute la ficelle était revenue. Voilà. Oh, c'est génial. Ah oui, non, c'est génial. Et t'as donné le ballon? Non, bah non, il l'a laissé partir au plafond, j'ai essayé de sauter pour le rattraper. Je fais mais... ça avec mes crottes de nez. Oh, dis. Non, mais c'était donc, franchement... Belle soirée. Non, pour te dire, Onissa a pleuré quand même, hein, sur la chanson Son Métro. C'est une brio, ça pleure tout le temps. Sur Son Métro, Onissa a pleuré. Ah oui, ça je peux pas, tout le monde dit... Alors, 2 minutes avant, j'étais occupée de faire le clown, l'andouille, bien sûr. Ouais. Et tout d'un coup, Ali, il y a des gens qui te regardent, parce que comme tu fais toujours... L'andouille. Et bah, alors, cette chanson, ah, je dis, c'est pas vrai... Et tous les gens ils me regardaient en disant « Qu'est-ce qui lui arrive à la malheureuse là-bas ?» C'est vrai que c'est une belle chanson. Hein. Et puis, c'est les mots qui... Non, mais il faut écouter les mots. Quoi. C'est vrai. On a toujours dit que c'était... J'adore les mots. On a toujours dit que c'était un sacré parolier. Hein. Ouais, ah, ouais. C'est pas... Et alors, le voir... Allez, avec la musique, le voir vivre ses chansons, c'est... Ouais, franchement, c'est un interprète, hein. Il interprète vraiment les chansons, il les vit. Ça sent le vécu. Mais au niveau de la formation, là, j'ai rêvé ou j'ai vu Salvatore Acquaviva qui était là. Salvatore, il était à la batterie. Oui. Ah ouais, quand même, vous savez qui c'est quand même. Oui, bien sûr. Hein, c'est quand même lui qui a fait Brasilia Carnaval, qui a fait le tour du monde. Et qui est encore en procès avec Madonna pour plagiat. Voilà, donc qui a été, je crois que c'était il a été réglé. Ouais. Ah, puis c'est une personne super agréable. Lui, je crois, il est super sympa, vraiment, franchement agréable. Et puis Véronique, la femme qui est bassiste, qui a toujours été bassiste. Mais elle avait lâché un moment. Oui, il n'y a pas longtemps. Cynthia était là. Oui, alors elle a dansé avec une de ses amies. C'était Cynthia. Ah oui. Elle a dansé. C'était très belle danse. Qui est la fille, on peut le dire, de Thierry, et qui est partie aux States se lancer tout ça. Elle a rencontré des gens très intéressants, voire des stars internationales. Un peu son acte, c'est vrai qu'elle danse très très très bien. Ouais, c'est chaud patate de voir Cynthia qu'on voyait ici, la petite, elle nous écoute, ça serait adorable, la petite gamine qui devient jeune femme et qui est en train de jouer des stars, danser avec des stars internationales à Los Angeles sur le pont, c'est exceptionnel. Et par contre, il reste hyper humble. Ah oui, bah c'est Tivoti, c'est notre ami. Oui, c'est non, ça, mais Tivoti, mais même tout le. Allez, tous ceux qui l'entourent, hein, c'est vrai que franchement. Et il revient quand il veut ici, hein, franchement. Ah ouais, franchement, c'était. Absolument. Et j'espère qu'il va renouveler l'expérience et que c'est pas un. Non, il a déjà prévu. Oui, ouais, il a prévu, mais alors j'ai plus la date par contre. Oui, je pense que c'est début décembre, mais enfin, ça, on en reparlera. Ouais, il nous en parlera évidemment. Ouais. Je rappelle quand même que vous pouvez toujours vous procurer son dernier album, hein, dont j'ai oublié le nom. Toujours plus. Son dernier album, vous pouvez toujours vous le procurer. Vous allez sur Facebook et vous allez à l'info, même sur Internet, sur son site officiel, tivoti.com. Et là, vous aurez toutes les informations. Il faut dire Tivoti, T-I-V-O-T-Y. Absolument. Les auditeurs ne le savent pas forcément. Eh bien, nous regrettons de ne pas avoir pu y aller. J'ai fait 2 lives Facebook que j'ai relayés sur la page 80 à l'heure. Donc, si vous descendez un petit peu dans le fil d'actualité. 2 tranches de cake. Ça donne vachement envie. C'est pas toi qui as noté Véronique et Davina ou quelque chose comme ça, non? Non, c'est moi. Qui est marqué Stone et Chardin. Ah oui, voilà. Je savais qu'il y avait une connerie. Et à mon avis, Stone, c'était toi, Sherlock. Je pense. Encore, mais. Bah, il y a eu un petit coup de barre. Ouais, c'est vrai. Ok, bah, ça c'est bien. Bah, écoutez, les gars, Ah oui, tom, on va nous. Tom. Eh ben non, c'est plus ça. Non, mais je sais. Alors là, je sais plus. Toutes les semaines, ça change maintenant. Attends, non, pas toutes les semaines. Eh non, c'est le même. Bah, ouais. Allez, à ma façon, j'ai un peu le droit de vous emmerder aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, bah, voilà. Attends. On va pas se laisser, par des tapettes en plus. Ah ouais. Attends. Ah non, après, il veut pas qu'on l'emmerde dans sa chronique. Ah non, mais là, c'est marrant, j'avais dit. Attends, parce que je sais plus ce que c'était de toute façon. Vous êtes toujours en direct. Mais les vagabonds, fais pas chier. Ouais, puis merde, je t'en mets un au pif. Allez, allez, vas-y, parti, vas-y. Fais-toi plaisir. Vas-y, hop, celui-là, tiens. Oui. Ah, c'est bien. C'est de 80. 4 bits. Et oui. Et ouais. Canadé. Ça vous embouche un coin. Hein. Ouais. Et c'est de 80. J'ai plus de quoi. Donc je reste dans les clous. Parfait. Allez, c'est parti. Bien que j'avais déjà fait cette chronique, hein, c'est une chronique que j'avais fait en fait en juin 85. 85, pardon. Ah ouais. Eh non, mais c'est pour rester dans. Avec Kilux. Voilà. Eh oui, Simone. Et Léon Zitrone. Eh oui. Allez, en direct des studios de Connect G, donc c'était juin 2015, vous en doutez. J'avais parlé des Fighting Cannibals, semblait que ça vous avait plu, donc oui. Je me suis dit, tiens, on va la refaire. Alors, ben, en fait, donc pour parler des Fighting Cannibals, c'est un groupe britannique tendance pop new wave qui avait été fondé en 84. Hein, et donc, oui, c'était pas tout récent. Et d'un point de vue donc, géographique, ils viennent de Birmingham, puisqu'ils sont anglais, bien entendu, et puisque Birmingham était le berceau, entre autres, de d'autres groupes emblématiques de rock anglais. Alors, leur nom, de d'où vient, puisque ça, je sais que vous aimez savoir. Oui, d'où vient le nom Fighting Cannibals. Posez-moi la question, bon sang. Mais oui, mais oui. Je vois que vous en crevez l'envie. On veut savoir. En fait, c'est tiré d'un film de Michael Anderson qui s'est intitulé All the Fighting Cannibals, un film de 64 avec Robert Wagner et Natalie Wood. Ah ouais, ça parle. Hein, comme Natalie Wood qui s'est fait tuer par Wagner d'ailleurs. On sait toujours pas. Présomption d'innocence. Je me suis laissé entendre dire, mais enfin bon, voilà. Je vais vérifier. Alors au niveau des membres, ben évidemment, comment le groupe a été fondé en 84, c'était suite à la dissolution d'un groupe mythique de ska à l'époque de Madness, un groupe un peu moins connu pour vous qui s'appelait The Beat, English Beat, puisque il y a un autre groupe américain du même nom. Mm-hmm. Hein, oui. Je suis content parce que Tannen, il t'a pas écouté, donc. Oui, ça va. Je parle aux habitués. Ouais, j'ai chaud. On est passé à côté de la catastrophe. Alors avec deux ex-membres de ce groupe de ska mythique. De truc beat là. Oui, The Beat, English Beat, je précise. English Beat. Il y avait deux membres. À savoir Dave. Dave. Oui, deux. C'est... Ah, tout de suite. J'avais pas percuté tout de suite. Elle est impressionnée d'un coup. Ah, toi, t'avais pas percuté, mais. Il paraît qu'il percutait à l'époque. Exactement. Ça, c'est comme petite parenthèse, le gars qui a cinq pénis et puis qui dit mon slip me va comme un gant. Oh, ouais. Elle est mignonne. Allez, on revient. Alors que toi, elle te va comme un moufle. Ça, t'étais pas obligé de le dire. Hein. J'aurais dit une chaussette, moi. Mais bon. Parce qu'un mouf, il y a quand même le pouce. Bah non. Il met le sexe dans le dos et le reste, c'est pour les testicules. Hey, c'est pas pour rien que dans le milieu, on m'appelle le pélican. Ah ouais, pourquoi ? Pour le gloître. Bon, allez, arrêtez. Sérieux. Ça va déraper. Non, on joue ça dérape. Ouais, arrêtons de faire les glands. Couillu le mec. Hein. Bon, enfin bref. Donc, avec deux ex-membres de The Beat, Dave Cox à la guitare. Cox. Bah ouais, j'ai pas dit. Non, j'ai bien dit Cox. Bah oui, c'est au pluriel. Ouais, d'accord. T'es un filou, toi. C'est mignon, t'es un filou. Ah ouais. Pour pas dire autre chose. Et David Steele, donc pour le deuxième membre, si ça vous intéresse, bah hein, oui, bien entendu, bah oui. À la guitare basse, hein, bien entendu, et qui cherchait un chanteur. Et donc, évidemment, après diverses auditions, ils se sont tournés et ils ont retenu la candidature de Roland Gift. Ouais. D'accord. Celui qui a une patate chaude dans la bouche. Voilà. Et qui mènera évidemment, je dis évidemment, c'est parce que non, justement, c'est pas évident. J'étais étonné, il avait mené parallèlement à sa carrière de chanteur une carrière d'acteur aussi. Ah ouais. Enfin bon, si c'était un grand acteur, on l'aurait su, je pense, ouais. Depuis. Hein. C'est le frère de Mindan. Oui. Mindan de Gif. Mindan de Gif, oui. Voilà, j'osais pas bien, mais bon, je vois que tu connais tes classiques. On connaît Monsieur Cinéma. Ah ouais, bah écoute. Et après, il m'engueule, moi. Et après, il m'engueule. Non, mais bon, j'essaie de prendre des notes. Ouais, prendre des notes, mais non. J'ai changé de stratégie puisque je me suis dit, bon, merde. Eux aussi, voilà. Non, mais voilà. Je me suis dit, bon, me chier ma chronique, donc autant. Non, c'est pas grave. Allez, on va. Parce que, bon, l'heure elle tourne, là, c'est pas tout ça. Alors, les débuts, ben évidemment, le groupe débute avec ce single en 85 que vous allez reconnaître. Thank you. Bon, Marjorie nous quitte. Non, c'est parce qu'elle m'a envoyé une vache télé en antenne, merci. Non. Ah non, t'as envoyé la tac au tac. Mais qui aime bien, châtie bien. C'est vrai. Donc, un titre de 85, les premiers singles du groupe qui s'appelait Johnny Come Home. Et ce qui veut traduire par Johnny revient à la baraque, en fait. D'accord. Hein, d'accord. Enfin, revient à la maison. Oui, revient à la maison. Ça, c'est Léon. Okay. Hein, c'est pour ça les pâtes. Les pâtes à la maison. Et donc, bah, évidemment, qui avait connu à l'époque un immense succès. C'est alors... vrai. D'ailleurs, je dansais là-dessus au mime. C'était rue Marceau, non? Voilà. Oh là là, c'est mort. Oh, Sophie, tais-toi. Alors, le premier album portait le nom du groupe, donc album éponyme, qui est sorti dans la foulée, bien entendu, hein. Et qui avait obtenu lui aussi un très grand succès, atteignant la 11e place au Royaume-Uni, en l'entrant dans le top 50 américain également. Alors, suivons aussi d'autres titres issus du même album, avec entre autres une reprise d'Elvis Presley que j'aime beaucoup. J'adore. Qui était bien réussi, ouais. Tu l'as deviné, c'est Suspicious Minds. Ah oui, j'adore. We're going on the trail. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe what I say. Tout ça des sourds. Et à l'époque, donc, quand j'avais fait cette chronique, hein, donc, je le rappelle, en juin 1985. Hein, donc, c'est ça, oui. Ouais. Non, je l'avais dit et je le pense toujours aujourd'hui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont repris, ce titre. Mais là, la reprise, elle est phénoménale. Ne serait-ce qu'au niveau de l'intro, comme on le disait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et je vais vous faire goûter l'original. Ah oui, bien sûr. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word. Et voilà, donc deuxième succès évidemment, Suspicious Mind, repris du titre de Combien d'entendre d'Elvis Presley, qui avait été fait quand même en 71. Alors, pour continuer dans les succès, hein, puisque la carrière était relativement courte quand même pour les Flying Cannibals, en 86, on avait d'autres titres, d'autres reprises avec Ever Fallen in Love des Buzzcocks, qui est une reprise aussi. Ouais. Charles, pleased to meet you. You spread my natural emotion. You make me feel like that. Alors le titre vous parle peut-être un peu moins, à savoir que ça a quand même été un succès. Ce titre avait été choisi, été fait à la demande, hein, évidemment, pour faire la BO d'un film. Et je vais vous donner le titre, vous allez dire, ah oui, enfin, le titre du film tout au moins. C'est un film de Jonathan Demme qui s'appelait Dangereux sous tout rapport. Something Wild, avec Melanie Griffith. Ah, c'est possible. Voilà. Dangereux sous tout rapport. Melanie Griffith. Et à la sortie du film, ce femme de Antonio Banderas. Voilà. Ah oui. Oui, oui. Et donc évidemment à la sortie du film, évidemment ce titre a évidemment très rapidement grimpé dans les charts anglais aussi. Alors après on arrive en 87, tout doucement mais sûrement sur la fin des années 80. Le groupe apparaît également dans un film qui s'appelait Les Filous. Ah ouais. Oui, Tin Man de Barry Levinson et participe à la bande originale du film. Bon, alors là. Ouais. Enfin c'est toujours des petites anecdotes, hein, mais. Alors évidemment, toujours la même année, pour continuer dans les succès, on arrive en 89, ils ont sorti un album qui s'appelait, il est leur second album, qui s'appelait The Raw and the Cooked, que vous pouvez traduire par le cru et le cuit, et qui est en fait, oui. Pruneau cru, pruneau cuit, cuit voilà. Pruneau cru, pruneau cuit. Je vois qu'il y en a que ça fait marrer, ouais. On va savoir pourquoi dans quelques instants. Tu diras après, les poules du curé courent pour pondre plusieurs fois à la radio, tu vois, ça va être très drôle. Et donc, en fait, c'est en référence tout simplement au livre, pardon, de Claude Lévi-Strauss, le cuit, justement, qui est édité plusieurs années en avant, en 64. Alors, l'album a rencontré, évidemment, une fois de plus, un succès considérable, grâce notamment aux singles, dont voici le titre « She Drives Me Crazy ». Voilà. Succès de 89, She Drives Me Crazy. Moi j'adorais la chorégraphie. Oui. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé s'ils avaient pas, quand ils avaient fait la pub à l'époque de La Poste, s'ils n'avaient pas repris un peu la chorégraphie. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez de la pub où ils dansaient un peu bizarrement, assez saccadé. Alors, je me souviens du clip, mais en référence à La Poste, non. Bah, regarde, tu vas voir, dans les années 80, il y avait D'accord. Et on avait vraiment l'impression que c'était même lui d'ailleurs qui dansait dans la pub. Mais j'essaierai de sortir. Le slogan de La Poste à l'époque, c'était bouger avec La Poste. Non, hein, avant. Ouais, c'était mieux que France Télécom, déjà, les hommes qui relient les hommes. C'était en noir et blanc et sur le RTF. Et c'était les PTT. C'était les PTT. Madame connasse. Madame connasse. Onissas connasse. C'était les PTT. Et, bon, et on cherchait un surnom. Connasse. Ouais. Madame connasse. Bon, là, on l'appelle tous déjà comme ça. Dans la vie privée, on l'appelle tous comme ça, c'est pas drôle. Il faut un surnom, on a dit. allez. Et on va terminer tranquillement et avec un autre succès, vous en souvenez aussi, toujours à la même époque, toujours ici du même album en 89, donc avec Good Thing. Ah oui. Voilà donc ce sera vraiment leur dernier titre qui a remporté, évidemment, je ne vous cache pas, un vif succès, c'est connu de tout le monde. Bien sûr, absolument. Donc voilà, et là on était donc en 89. En 90, le groupe avait remporté un prix, ce qu'on appelle les Brit Awards, du meilleur groupe et du meilleur album britannique de l'année. Après on les a plus entendus, et tant et si bien qu'au final, quelques années plus tard, le groupe a finalement décidé d'annoncer sa séparation. Et je dirais que pour finir en beauté, il y a une compilation qui était sortie en 96 qui s'appelle The Finest Greatest Hits. Ok. Et voilà. Donc, comme je le disais au départ, courte carrière, puisque principalement 84 à 89. Quoi. Eh ben, écoute, belle rétrospective. Ouais, voilà. Les Fine Young Cannibals. Voilà. Et puis aussi rappeler aussi à Onissa que quand on parle au micro, quoi. Voilà, ça serait aussi, bien. Oui. Ça serait bien. Comme je disais, donc, oui. C'était une courte carrière, mais ils ont quand même eu des titres qu'ils ont marqués, quoi. Ah oui. Eh ben oui, totalement. Ça, donc vrai. Finalement, t'avais pas besoin du micro. Vous êtes terrible. Ah, oui. C'est mon baptême ce soir. Hein. Bienvenue. Qui aime bien Châtillon, mais toi, il t'adore. Alors finalement, les Fine Young Cannibals, ils ont fait des disques alors. Bah écoute, non, des tubes. Ah, ok. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale, ouais. Évidemment, le temps de rappeler qu'effectivement nous sommes donc avec Tristan pour Fantasma Violine. On le rappelle que c'est ce week-end. Oui, c'est ce week-end, c'est ça. C'est oui. ce week-end, donc le 29 et le 30 octobre. Et il y a plusieurs horaires, alors, pour le coup, ou alors c'est... Oui, c'est, on commence à partir de 14h30, donc ouais. le samedi et le dimanche, pareil. Et ça, les groupes s'enchaînent de 40 minutes en 40 minutes. D'accord, tout comme ça. Pour réserver, réservation que sur Facebook. Réservation, oui, par Facebook. On passe par la page Facebook, donc Fantasma Violin sur Facebook. Oui. On tombe directement sur la plateforme de réservation, donc sur WizEvent, et à partir de ce moment-là, tout est indiqué pour réserver son horaire. Tout à voilà. fait. Et petite précision, puisque tu parlais de chaîne, hein, puis Fantasma Violin, bien préciser que ça n'a rien à voir avec un spectacle SM, hein, on est bien d'accord. Non, j'en ai écrit un autre, c'est le Fantasme du Violoniste, mais ça, ce sera pour plus tard. Voilà, ouais. Du violoncelliste. Et on va faire un spectacle qui va s'appeler le Fantasme du Violoncelliste. Hein, oui. Du ouais. contrebassiste. Mmh. Ouais. ouais. Dès que tu fais la flûte traversière, je viens. On rappelle aussi également que nous sommes avec Marjorie hein, pour un spectacle ouais. complet, là, qui est « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Et ça, c'est une belle phrase. C'est le 29 octobre aussi, à Exactement, La Grange. La Grange, là où on s'est très bossé il y a quelques années, qui est devenue donc une salle de concert maintenant. Ah, je sais pas ce que tu as fait dedans, mais écoute... Il vaut mieux pas savoir. Il a très moussé. Nous a raconté. Hey, non, j'ai bu de la bière qui avait très moussé. Voilà. Ah. Donc c'est à partir de 16h. Hein. Donc il y a une session de Zumba pour les enfants à partir de 16h. Ensuite pour les ados à partir de 17h30 et le spectacle concert gospel. Mais les parents peuvent venir également ados adultes. Hein, oui, d'accord. Parents, d'accord. Les infos, on les retrouve. Mais de toute façon, il y a les affiches qui circulent donc via ma Marjorie Demulier. Il y a mon numéro de téléphone qui est indiqué également, donc, mm-hmm. le 0477 39 38 10. Tout le monde est le bienvenu, papy, mamie, tonton Humbert, voilà, tout le monde. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est vraiment au profit des associations. Et c'est vraiment pour passer un chouette moment également. Donc, dans la joie, la bonne humeur, le partage, la générosité du cœur. Donc, je compte sur vous. Comme enfin. Dirait Mimi, on compte sur vous. Voilà. Voilà. Allez, on va se faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui, ben, justement avec les Fine Young Cannibals, avec She Drives Me Crazy. Ah ouais. Et ensuite, on va revenir avec un autre groupe emblématique qui était Madness avec One Step Beyond. Oui, excellent. Ah, allez, c'est parti. We'll be right back. watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Oui, vous êtes de retour sur 80 à l'heure, enfin sur RQC 95 FM. C'est toujours l'émission 80 à l'heure. Bon, y a du monde là dans le studio. C'est le bordel. C'est, ouais, on peut dire ça, on peut dire ça, c'est vraiment le bordel. Alors, donc. C'est un studio vivant en attendant, on a quand même des gens qui sont venus. Donc, pour rappel, on reçoit donc ce soir Tristan donc, qui organise une soirée donc, qui s'appelle Fantasma Violine. C'est au château de Beausseuil. C'est ce week-end, donc samedi 29 et dimanche 30. Donc c'est à Havelgem. C'est un jeu de piste en fait sur le thème de l'horreur. Pas forcément. Ah bah c'est ce qui est noté sur la feuille. Hein, écoute, moi je lis la feuille. Jeu de piste sur le thème de l'horreur. Ah d'accord, ok. J'adore. Pas forcément. Bah, c'est pas comme ça que j'avais présenté. Simple en fait. C'était pas simple, ouais, c'est tout. Ouais. Je crois Sherlock, pas forcément. Bah écoute, ce qui est noté sur la feuille. Ok. Voilà. J'avais pas compris comme ça, Tristan. C'est pour ça. Non mais c'était juste une phrase pour faire simple en fait. Voilà. Voilà. Ouais. Ok. C'est vrai. Je comprends. D'accord, mais ça va être bien. Et nous recevons également Marjorie, donc pour Et là, par contre, Harry, tu vas suivre parce que moi, j'ai pas la feuille devant moi. Par contre, c'est très simple. Bah, hein, on t'a fait une émission depuis. Je sais bien, mais c'est parce que je suis occupé. Avec c'est un super spectacle. C'est le thème de l'amour et du partage. Elle est alpiniste, nageuse. Oui, oui. Elle va nager en apnée sous la glace. Tout ça à fond romeu. Revenons quand même à l'essentiel. Le spectacle, le 29 octobre. Absolument. Rien n'est impossible à celui qui croit, puisque c'est quand même dans 3 jours. Donc précipitez-vous. Quand même, c'est à la Grange. Vous connaissez, hein, c'est donc à Moucron. Donc à partir de 15h, si vous avez envie de vous trémousser sur la musique et pour faire de la Zumba. Donc enfants et adultes, évidemment, donc 16h, 17h plus pour les enfants. Ensuite pour les adultes, de 17h30 à 18h30. Et ensuite le concert gospel avec 6 super chanteurs qui vont venir vous interpréter donc des chansons, donc concert à 12€, donc à partir de 20h. De 20h. Et la petite restauration, gâteau, croque, boisson, enfin voilà. Eh bah, écoute, on peut remplir son cœur et son estomac. Si vous voulez tous les éléments, ça a été mis sur la page 80 à l'heure il y a très très peu de temps. Vous avez une affiche blanche avec des chanteurs dessus. Vous avez tous les éléments qui sont dessus. Voilà. Alors, autre événement aussi également, avant de retrouver notre petit Sherlock, c'est qu'effectivement, ce week-end, donc à partir de vendredi, donc à partir du 28, donc comme quoi, il y a plein d'événements en même temps, mais ça vous empêche pas d'aller au spectacle et de venir aussi à cet événement que je vais vous annoncer et que je vous avais déjà annoncé, c'est le salon commercial de Waterloo, dans lequel vous allez retrouver donc tous les commerçants de la région, mais aussi tous les commerçants de France avec tous les thèmes, l'habitat, tout ce qu'il y a, les métiers de bouche, la mode, les voitures, le vin, l'artisanat, enfin j'en passe, et des meilleurs. Donc surtout n'hésitez pas à y aller parce que cette année il va y avoir plus de 70 stands. Voilà, donc et vous allez faire des découvertes culinaires. Il y aura aussi même des petits ustensiles assez sympas si vous aimez la cuisine ou ce genre de choses. Enfin, c'est le salon commercial par excellence. Donc c'est le 28, le 29 et le 30 octobre 2016. Et j'aurai le... Oui. On te rappelle, donc on te retrouve au stand saucisson. C'est ça, absolument. Alors on va me retrouver dans tous les stands, puisque j'aurai l'honneur, évidemment, avec Hervé, que vous connaissez de la troupe Évasion, l'honneur donc de présenter ce salon commercial. Donc on y sera les 3 jours, évidemment, et je me ferai le plaisir de vous présenter chacun des commerçants et des artisans qui seront présents pour mettre en valeur donc leurs produits. Je t'avoue que je suis surpris. Tu dis de toute la France ? Moi, oui, je m'attendais, absolument. Je croyais que c'était des commerçants, enfin 90% Waterloosiens en fait. Oui, mais enfin, si c'était 90% des commerçants Waterloosiens, tu aurais 5 stands de kebab, 4 banques. Je suis d'accord. Deux agences immobilières. Et voilà, 5 agences immobilières. Et puis, voilà. Non, mais ceci dit, il y a quand même des commerçants. Je pense à Baye Séverine. Il y avait des vêtements. Il y a aussi Steven qui vend des bijoux. Il y a aussi un magasin de chaussures dont j'ai oublié le nom qui est là. Il y a également, donc là, pour le coup, il est de la région. Qui vend de merveilleux saucissons pour pas très cher d'ailleurs. Il est maintenant de Moucron d'ailleurs. Moucron, bon, c'est pas votre lot, mais oui, il y a aussi. On le pardonne, c'est bien Moucron. Après, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là, aussi, tout ce qui est châssis, menuisier, ce genre de choses. Vous avez aussi des. Ah, il y a quand même des gens qui vendent des voitures à votre lot, quand même. Ouais. Des banques, il n'y en a pas, heureusement. Mais il y a du saucisson. Mais il y a du saucisson, absolument. Il a dit 4 fois quand même. Absolument. Et il y a du vin. Voilà, Il y a du vin derrière. Alors évidemment, des fabricants de vin, des viticulteurs sur Waterloo, il n'y en a pas beaucoup. Donc ils ont dû faire appel à des viticulteurs quand même qui sont du Bordelais, d'accord, je crois. Du Bordelais. Donc voilà, mais allez-y, c'est gratuit. Oui, c'est sympa en plus. C'est sympa. Il y a aussi de la petite restauration qui sera gérée par Madame Patate. Voilà. Ah bah oui, Madame Patate. Donc Madame Patate qui est connue sur Waterloo. Oui. Tu connais, hein, oui. Canon. Oui. Ouais. Donc Madame Patate qui s'occupera donc de toute la partie restauration. Il y aura également donc un ministre qui sera là pour venir. Un ministre ou un sinistre ? Un ministre. un ministre. Non, tu n'y seras pas, je pensais. Ah, moi j'ai jamais postulé. Non, sinistre. Ça serait, je dis pas le bordel. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous dire, si aussi, entre-temps, imaginez, ça c'est un beau programme. Vous faites le salon commercial le 28, d'accord ? Ça c'est une bonne, ça peut se faire. Le 29, vous allez à la Grange pour participer à la Zumba au concert gospel. Et le 30, Fantasma Violine. Se déplace et je pense que c'est pour le 30 justement. Et le premier, c'est férié. Vous vous reposez. Et le premier, vous vous reposez. Voilà, avec moi. voilà, oui. J'ai plein de potes qui vont venir. Et en attendant, et s'il faut, vous pouvez aller au cinéma. Oh. Ah. Eh oui, car là je vais vous parler donc des sorties cinéma donc pour la Belgique et pour la France, donc les films qui vont sortir à partir de demain. Et je vais commencer avec la Belgique et le film Tamara. C'est un film avec Héloïse Martin, Ryan Bensetti, Bruno Salomon. C'est un film d'Alexandre Castagnetti, ça sort également en France demain. Donc c'est l'histoire en gros de Tamara qui est complexée parce que en gros elle a des rondeurs. Elle se fait afficher par tout le monde en se faisant traiter de grosse. Oh. Et donc pour clouer le bec à tout le monde, elle prend le pari de sortir avec le premier mec qui va rentrer dans la classe au moment où elle fait le pari. Et ça tombe sur le plus beau gosse du lycée, c'est Ryan Bensetti. Ah, donc là on va suivre un petit peu ses aventures. Hein. Ouais. Ah ouais, il est beau gosse. T'as beau être hétéro quand tu le vois, tu vois ce que c'est un beau gosse. Il était pas comédien, lui, à la Bassie. Si. Il a été mannequin. Je sais pas, mais il a commencé dans la série Peps. Ouais. La série courte Peps, ensuite il a joué dans Clem, donc toujours série de TF1. Là, dernièrement, il a fait Mariage à Jaipur qui est passé. C'est un phénomène physiquement. Et il a fait Danse avec les stars, et c'est lui qui a gagné d'ailleurs, je pense. Nous aussi, on était des phénomènes à l'époque. Non, mais on reste encore des phénomènes, c'est dans le sens. J'ai vu des photos de toi et moi jeune, on n'était pas comme lui. Disons qu'à l'époque, on n'était pas à deux doigts d'être dans le formol. Maintenant, on va bientôt être dans le formol. Voilà, donc là, on va suivre les aventures de Tamara. Alors. Si vous voulez suivre les aventures de quelqu'un, je vous conseille Doctor Strange. C'est un film Marvel. Donc, Doctor Strange suit l'histoire de, je vous le donne en mille, du docteur Stephen Strange, qui est un talentueux neurochirurgien, pardon, je vais y arriver, moi il me faudrait peut-être une chirurgie, ouais. qui a un tragique accident de voiture et qui va s'éveiller à de nouveaux mondes. En fait, il va pouvoir voir un petit peu tous les mondes qui coexistent. Enfin, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. C'est un Marvel, mais alors Il y a aussi des Strange, puisque Doctor Strange vient vraiment de l'univers Strange et Marvel avec Captain Marvel, et c'est ces deux mondes qui ont cohabité. Après, enfin, pour ceux qui sont passionnés c'est ça, c'est de ça. Mais alors le film, je pense qu'il faut y aller à jeun. Parce que sinon on va rien comprendre. Ça fait loin quand même. Hein. Alors, c'est quand même avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor et Rachel McAdams. C'est un film de Scott Derrickson et ça sort également en France demain. Ouais. Pour la France, alors par contre là on n'a pas de date pour la Belgique. C'est Nous sommes tous sur écoute. C'est avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley. Que vous avez pu voir dans Divergente, par exemple, ou dans Nos étoiles contraires, pour ceux qui ont préféré pleurer. C'est un avec également Melissa Leo, et c'est un film de Oliver Stone, donc qui avait fait à l'époque Apocalypse Now. Oliver Stone, il en a fait Apocalypse Now, par exemple. Platoon. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'histoire d'Edward Snowden qui semble réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA et ensuite de la NSA, donc la National Security Agency qui met sur écoute un peu tout le monde. Donc il découvre alors le cœur des services de renseignement américains, l'ampleur insoupçonnée des cybersurveillances. Donc il viole toutes les lois, tout ce qui est possible de violer, enfin... Je m'entends en tant que cyber cyberattaque et tout ça, il va le faire. C'est lui, moi je suis un cyber. lui a quand même, on va dire, un code déontologique et il va décider de se rebeller un petit peu et de dévoiler un petit peu tout ça au grand jour. Mais toujours un petit peu. Ouais, toujours un petit peu. Ouais. Il fait jamais tout en grand, lui. Ouais. Donc, il va violer tout, il va dévoiler tout ça un petit peu à la fois. On va laisser le film. Et donc, enfin, je vais finir avec le film Mr. Wolf. Ça sort le 2 novembre. En Belgique, c'est avec Ben Affleck, Anna Kendrick et J.K. Simon. C'est un film de Gavin O'Connor. Donc, c'est un expert comptable dans le civil, donc qui est joué par Ben Affleck, qui s'appelle Mr. Wolf, qui est en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. Donc, c'est un tueur en série. Il faut savoir qu'il est autiste. C'est un tueur autiste. C'est un peu compliqué aussi. Mais le film est bourré d'action. Et franchement, il a reçu de très très bonnes critiques pour les premières vues qui ont été faites par la presse. Il s'en tire très très bien apparemment. Ok. C'est marrant parce que tu parles d'autiste, mais tu ne parles pas de Willy Premier. De Willy Premier. Willy Premier. Bah ouais. C'est un film qui commence à faire parler de lui. Un film assez particulier d'ailleurs. Ah bon, vous avez pas entendu parler du film Willy Premier. Bah, pourtant, avec un aussi. Acteur principal qui n'est pas du tout acteur. ça vaut vraiment le détour. Autiste Asperger, c'est pas ça? Il est pas autiste du tout, il sait pas écrire, il sait pas lire, il est comédien et on le voit qu'il sait pas lire, qu'il sait pas écrire, mais ça m'a l'air d'être vachement sulfureux, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Non, je crois que quoi, bah, après l'un n'empêche pas l'autre. Bah, tu diras, je suis bien animateur. Oui, oui, oui. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. qui bénéficie d'une très très bonne critique et je pensais que t'allais en parler, mais. Bah non, bah écoute, j'ai dû faire une sélection, écoute, j'ai dû passer au-dessus celui-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc vous iriez voir quoi, Tristan? Moi, Docteur Strange. Attends, hop. Moi, ouais, personnellement, j'irai voir Doctor Strange. D'accord, t'es fan des Marvel? Non, je suis plutôt fan de Benedict Cumberbatch. D'accord. C'est qui celle-là déjà? Non, c'est un monsieur. C'est l'interprète de Sherlock, justement, la série télé. Mm-hmm. Ouais. Et qui a joué aussi il y a peut-être un an dans le film Imagination Game. Le film qui revient sur l'histoire d'Alan Turing, celui qui a inventé le premier ordinateur qui était capable de craquer le code Enigma. Oui, j'en avais parlé. Guerre mondiale. Ouais. Fabuleux film. Et c'était un autiste génial. Également. Il jouait le rôle d'un autiste dedans parce que celui qui a craqué le code Enigma était autiste. Ouais. C'était Alan Turing du coup. Voilà. Donc tu vois, tu pourrais peut-être faire des choses aussi phénoménales, toi. C'est vrai. dans la fameuse machine de Turing qui a été le précurseur de l'IBM. Ah ouais. Oh. Ça va loin. Ça va loin. Ça va loin. Marjorie, tu irais voir quoi? Pas que des conneries. Aucune idée. Moi, c'est au coup de cœur en fait. C'est vrai. T'en as pas eu là? Non, c'est pas trop ma tasse de thé. Non, si j'écoute, mais c'est pas trop ma tasse de thé tout ça. Donc. D'accord. C'est quoi ta tasse de thé alors? Gospel. Qui? Gospel. Ouais, non, le gospel. Ouais, il y a des très beaux films gospel, mais non, c'est au coup de cœur. Moi, les histoires vraies, c'est ça, c'est vraiment mon coup de cœur, quoi. D'accord. Où il y a un message à recevoir dedans. D'accord. Un peu comme Rise Nice, quoi. Rise Nice. Ouais, je te casse. C'est pas une histoire vraie, non? Non, je crois pas. Ce gars, on l'a inventé, il existe. Attends, c'est vraiment con, hein. Je peux te le dire. Ah non, alors justement, Brise de Nice existe. C'était un élève dans la même classe que Jean Dujardin au collège, où c'était un surfeur, justement, qui se la pétait un petit peu, qui avait toujours plein de réparties. Mais le personnage de Brise de Nice est tiré de cet élève-là. Ah, le pauvre. Le pauvre. C'est l'autre qui se fait la thune, en fait. Ouais. Ouais. C'est ça. Canon. Docteur Strange, évidemment. Ah ouais, il est fan de Marvel. Évidemment. Onissa. Ouais, Doctor Strange, moi j'ai ouais, tiens, c'est marrant ça. Flipkart. Il reste une place sur le site. Tu irais voir quoi? Eh ben, si quelqu'un m'offre une place, je vais faire une fois, je vais voir Doctor Strange, envoyé dans le groupe. Garde ici le malheureux. Si quelqu'un m'offre une place. Non, mais sinon, si, franchement, il n'y a rien qui me. Il reste une place dans le love seat de Tristan. Ah oui, ben voilà, aussi, ben voilà. Pourquoi pas? Ah oui, alors on va expliquer à Tristan, c'est qu'il faut expliquer parce qu'il y a qu'un cinéma qui le fait. Il y a un cinéma à Moucron qui s'appelle le Forever. Voilà. Et ben, tu regarderas dans chaque salle, tu as des love seats. C'est des sièges doubles, en fait, où tu peux aller avec ta compagne ou ton compagnon. Flipkart se propose. Oui. J'ai déjà été avec un pote, on n'est pas obligé de faire des enfants. C'est les salles qu'on appelle les salles VIP. Non, dans toutes les salles il y a ça. Les salles VIP, tu te trompes avec les trucs avec une lanterne rouge à côté. C'est pas les salles où les gens regardent à travers la fenêtre. Tristan, ma reine écoute. Il n'y a pas d'accoudoir entre les deux. Oui, tout à fait. Elle commente depuis tout à l'heure. Non, mais on est très bien sur les love sites. J'ai déjà testé. D'ailleurs, à l'accueil, ils m'ont dit, suite à notre passage, que tu pouvais aller récupérer ton slip. Harry ne met pas de slip, je peux te le déjà, dire. Je parce pas de slip, moi je sais, moi je vois souvent Harry. C'est gouré. Hein. Il met pas de slip. Hein. C'était peut-être Sherlock. Ouais. Est-ce qu'il y avait une poche devant? Ça doit être Sherlock. Est-ce qu'il y avait un Chewbacca sur le slip? Est-ce qu'il était marqué derrière parce que c'est pour pas se tromper de sens. Exit only. Ceci dit, ce soir, on n'a pas fait notre photo, la sempiternelle photo du t-shirt de Sherlock. Il a fait un effort. Bah on va la faire après. Il a piqué à son fils. Donc voilà, bah écoute, merci pour ces sorties cinoche. Bah visiblement l'unanimité. Hein, ouais, Doctor Strange. Doctor Strange. Voilà. Bah, pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Ouais, et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale. Alors, on va être gratifié peut-être d'un petit live. Ouais. Ouais. Mmh. Ça c'est. Voilà. Marjorie qui nous a promis un petit live avec Canon sur une chanson évidemment. Quand on parle de Godspell. God évidemment, Godspell. Il y a pas de Godspell. Alors justement, on peut. Ne parle pas de God en ce moment. Justement, si dans l'étymologie, on peut dire les deux. Godspell. On peut dire Godspell ou Gospel. Gospel. Ouais. Non, mais on peut dire Godspell aussi. God. Oui, c'est, d'accord, hein, mais c'est la même étymologie. L'étymologie d'origine est God spell, enfin spell. Ouais, ouais, ouais, mais on dit God spell. Et pourquoi je vous dis ça? Ne souriez pas, les amis, parce que j'ai eu l'occasion de faire un God spell il y a quelques années quand j'étais jeune. Et oui, non, mais absolument. Elle t'adore. J'adore qu'on soude la gueule d'Harry. Il va tutoyer. Je vais faire appel à un ami bientôt. Ah ouais, tu peux l'appeler tout de suite. Il est barbu. Il est sympa, il est sympa. Il est barbu, vu là-haut. Donc je vous rappelle, hein, le spectacle, évidemment, rien n'est impossible. Si tout est impossible, et à celui qui n'y croit pas, donc ce sera donc le 1er novembre à la salle du Phénix. Ouais, c'est ça, hein. C'est le 31 février 2028. Ouais, exactement, c'est ça, exactement. Exactement. Non, alors donc voilà. Eh bien, on va se faire une petite coupure musicale parce qu'on va retrouver juste après un petit live avec Amazing Grace, c'est ça? Oui, alors on va se faire une coupure musicale donc avec deux musiques de films. Ouais. Les Duran Duran avec A View to a Kill. Yeah. Donc musique de James Bond. Oui. Quel épisode d'ailleurs? View from a Kill. C'était de. Qui a chanté ça? Non, c'est Duran Duran. C'est le. Le fameux album qui était enregistré à Baden-Baden, peut-être. D'ailleurs. Hein. Fleming, c'est ça, voilà. Avec AA. AA, oui. Au service de Sa Majesté, peut-être. Je sais plus, il faudrait que je regarde exactement. On peut en faire plein comme ça. Enfin, bref. Oh, oui. Il y avait Toto qui faisait les chœurs. Enfin, oui, bref, hop. Bon, donc Duran Duran avec A View to a Kill, et ensuite Survivor avec Burning Heart. Oh, yeah. Donc, musique du... Ah, t'as bien Survivor, hein. Ouais, bah, j'avais mis Eye of the Tiger. Ouais, mais lequel? Le 4, évidemment. Oui, bien. Où il part en Russie, on entend cette musique. Allez, c'est parti. Yeah. Right. Bravo, c'est Gustave Parking. Je tenais à situer la radio surréaliste belge, radio Kichifel, c'est-à-dire la radio Tour Eiffel en quiche. Voilà, une bonne quiche dans la Tour Eiffel. Alors ça, c'est du jingle. Gustave Parking, qui nous avait fait l'honneur de ce petit jingle lorsqu'il était passé au centre Marius Taquet pour l'émission 80 à l'heure, évidemment, parce que ça, on le comprend pas tout à fait dans le jingle. Ouais, bon. Il y a un peu dans le délire, mais on avait adoré, effectivement, à l'époque. Donc vous êtes bien sûr... alors, il reste encore quelques minutes pour notre émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, mais on va les terminer en beauté, ça, je peux vous le dire, au sens propre comme au sens figuré. Ou pas. Hein, eh oui, puisqu'on a. T'as vu Marjorie, je suis quand même sympa avec toi. Hein. Ouais, mais je t'aime beaucoup aussi. Mais voilà. je parlais de Canon. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'elle est devenue blonde là, il y a quelques minutes. À noter quand même, et c'est toi qui vas continuer à lancer, parce que ce qu'on va faire, c'était pas vraiment prévu, mais que Marjorie et moi-même, on est aussi fatigués. C'est quand même une chanson un peu compliquée. Donc, ça n'est pas du tout pour vous, c'est pour rester dans le gospel, mais c'est pour montrer. C'est surtout prouver que vendredi, voilà. Samedi, ce sera beaucoup mieux. C'est qu'on peut chanter. Non. C'est, ouais, parce que samedi, il sera pas là, Dom. Oui, c'est pour ça. Il sera pas là, samedi, sera beaucoup. C'est pour se faire plaisir sur le thème du gospel, on en avait parlé, c'était pour se faire voilà, ça n'a rien à voir aussi avec les chanteurs, puisque là-bas, bah, n'oublions pas aussi, instrumentistes, etc., ça va bouger, hein. Ça va être vraiment très très bien. Voilà. Alors donc, ça, c'est un titre, alors rappelez-nous le titre évidemment. Amazing Grace. Ah, sympa. Voilà, avec c'est de parti. La musique et tout. Wow. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. 'Twas grace that taught my world to fear, and grace my free. On precious deal that grace appeared. See, I first believe. Too many dangers on that stair, we have already come. Twice great as I brought of sins so far, and grace will lead us on. Boom, boom, boom, boom. Bon, c'est un extrait. non, parce que c'est pas. Non, c'est la version en fait musicale, hein, correspond pas en fait tout au texte qu'on a, parce que c'est une très très longue chanson, c'est une chanson dans des tonalités et tout ça. Et comme vous avez pu le voir, on a essayé de faire des choses, etc. On a des voix un petit peu fatiguées. Donc ouais. Voilà, c'était Amazing Grace. Mais c'était très bien. Bon, ah, c'était genre, vous là-bas, c'était très bien. Voilà. J'adore. Non, c'était voilà, Amazing non, Grace. Version... Non, mais en même temps, il faut avouer qu'on est dans des conditions techniques qui sont quand même assez compliquées. Il fait très chaud vers la fin, les voix s'éraillent. Oui, je pense que peut-être qu'on aurait dû prévoir de le faire en début d'émission, parce que je peux comprendre qu'après avoir fait le blabla qu'on a fait, ça va être un peu compliqué. On va se dire, comme tout chanteur, c'est qu'en général, au moins une ou deux fois, on chante avant pour savoir qui va prendre ce qu'on appelle la tierce, la quinte et tout ça. Donc là, on a fait un peu la même voix, ce qui fait que c'est pas laid, on était très juste, mais bon, ça donne pas l'ampleur. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On me le répète très souvent. Moi, je ne dirais qu'une seule chose, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Ouais. Amène-toi samedi alors. Ah ouais, mais j'aimerais beaucoup. Et c'est pas impossible d'ailleurs. Mais tu fais ton anniversaire, c'est ça? Pas du tout, non. Ah, d'accord. Okay. J'aimerais, je travaille, mais je fais le salon commercial. Donc, mais ceci dit, invite tes potes, puis se termine à 19h. On a besoin des sponsors. Et le concert commence à 20h. Et pourquoi pas. J'embrasse Olivier qui nous écoute à 850 km, qui m'envoie un texto et qui me dit: je suis en live, hein, c'est un pote. Et il est à 800 bornes, là, il est en train de nous écouter. Et ce que vous entendez, c'est ma tablette qui dit: j'ai plus de batterie. Et on embrasse ta tablette aussi. Voilà. avec elle, on risque rien. Je t'embrasse, Olivier. Ok. Eh ben, écoutez, merci à vous. Alors, on rappelle, évidemment, donc, nos invités de ce soir, puisque nous étions, donc, avec Tristan. Tristan pour, donc, Fantasma Violine. Oui. Donc, c'est ce samedi et dimanche-ci. Donc, ça commence à 14h, hein. 14h30, oui. 14h30. Ouais, ouais. Allez à l'info sur Facebook. Autant vous dire qu'il reste plus beaucoup de place. Sur Facebook, on tape Fantasma Violine. Ouais. On te retrouve, évidemment, et on retrouve ce phénomène, parce que je pense que dans la région, ça n'existe pas. Pas encore. Ou très peu. Ouais. On se cantonne aujourd'hui à des spectacles. Alors, je parle d'Halloween, c'est un peu réducteur, parce que c'est pas tout à fait vrai, parce que ça a forcément un peu rapport avec Halloween, mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se font autour d'Halloween, mais ça n'est ni plus ni moins que des couloirs dans lesquels vous allez voir des monstres qui vous font bouh, bouh, bouh. C'est un peu plus que ça. Ouais. C'est un peu plus que ça. Ce sont des comédiens, ce sont des musiciens, violonistes, avec un scénario, et c'est un jeu de piste, c'est vrai, rappelons-le. C'est vrai, oui, c'est ça. C'est un jeu de piste. Voilà, et un jeu de rôle, d'ailleurs, dans les deux sens. Un jeu de rôle et un jeu de rôle, je crois. Et je prends un petit instant pour remercier mes comédiens, parce que j'en ai 22 des comédiens. Ah oui, quand même, hein. Et merci à eux de leur dévouement, de me faire confiance et surtout d'être là, parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ce genre de truc. Et je tiens aussi à remercier Jocelyn Marié, qui est le violoniste du spectacle, qui joue le rôle du violoniste et qui est vraiment violoniste dans la vie de tous les jours, qui est d'ailleurs même chef d'orchestre maintenant. Ah, ouais, ouais. Et quelqu'un qui, bon, il a fait des sons, hein, pour le spectacle, hein. Il est sonorisé par Jocelyn, justement, ce spectacle. Et c'est un super musicien. Et je suis vraiment Waterloosien. Et Waterloosien. Absolument. Ouais. Et l'école de musique de Waterloo aussi. Absolument. Hein. Ah, il est ici, ouais, bien sûr. De l'union musicale de Waterloo. Mais il vient vraiment de là. Il vient. C'est un pur Waterloosien, bien sûr. Ah, mais je vois qui c'est. Mais tu le connais, évidemment. Ouais. Voilà. Il joue très très bien, puis ça a été une passion, et il a bien évolué depuis un an et demi, deux ans, où il est rentré comme chef d'orchestre, et il a, vous tapez son nom comme on vient de le dire. Vous pouvez retrouver un peu plus tard d'ailleurs à la Sainte-Cécile. Qui se fera donc la salle Roger Salon le 22 novembre. Exact, il sera là. Voilà. Il sera là. Oui, je vois c'est un très très très bon vieux. Ah, absolument. Ouais. Et ben voilà, je suis content de l'avoir rencontré en tout cas. Voilà. Et bah écoute, on est content de t'avoir rencontré également. C'est gentil, merci. Et parle-nous pour les prochaines dates évidemment. Pour les prochaines dates, bien sûr, je reviendrai vers vous. Merci à Marjorie aussi également pour le spectacle. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu devais nous le vendre, le spectacle, tu nous dirais quoi alors? C'est que bonheur. Ah oui, non, c'est 12 euros le concert. Mais tu pourras manger un croque. Mais non, venez vraiment, c'est pour vraiment une très très bonne cause. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour soutenir ces 5 associations qui sont super importantes. Donc, on peut se retrouver dans la difficulté à chaque instant. Et ces 5 associations pourraient vous donner un tuyau, pourraient vous donner un conseil, vous aider de manière matérielle ou autre. Voilà, c'est pas du pipeau, c'est du vrai. C'est pas me mettre de l'argent dans la poche, loin de là, parce que j'aurais très bien pu le faire. De toute façon, je cours pas assez vite pour me barrer avec. Mais non, mais voilà, c'est vraiment super important, et il faut qu'elles existent. Il n'y a pas qu'une seule association à Moucron, et ça, je le précise, il y en a plein. Et elles ont toutes besoin de soutien, elles ont toutes besoin d'aide. Et moi, s'il y a des sponsors ou des donateurs ou des partenaires qui veulent me contacter pour faire un don, leur publicité sera faite de toute manière. Si je dois porter leur couleur, je serai prête à le faire. De toute façon, on ira très haut, les mettre, mais elles ont besoin d'exister, ces associations, donc... Moi, j'y mettrai mon cœur, j'y mettrai mon âme, j'y mettrai ma jambe gauche. Mais je me battrai pour elle. Et mon objectif, c'est d'atteindre les 2000 et demi. C'est très peu. Ça fait 500 balles par association. Donc, c'est quasi rien, mais c'est déjà une pierre dans l'édifice. Bien sûr. C'est énorme. Donc, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et petit à petit, j'amène les euros vers moi. Donc, maintenant, j'aimerais avoir les billets, quoi. Ouais. Eh ben écoute, concert. C'est noté, donc c'est le 29 octobre donc à la Grange, donc à partir de 16h pour les cours de Zumba, et ensuite évidemment le concert, donc à 20h, un concert gospel avec 6 têtes d'affiche, et je pense que vous allez passer un bon moment, donc 2h30 de spectacle si vous aimez le gospel. Oui. Voilà, internationaux. Donc et j'espère quand même qu'on aura des nouvelles de tout est. Allez, le canyoning, la montagne. On reverra. Il y a une page Facebook qui a été créée par mes amis là, qui sont présents. Et Marjorie, on se réorganisera forcément une émission dans laquelle tu nous parleras de cette aventure. Parce qu'effectivement, bien sûr. Voilà. Un retour sur tout ce que tu auras fait. Tu viens avec plaisir. Et puis, on aura peut-être l'occasion aussi de voir une chanteuse gospel. Ouais. ouais, ouais, ouais, ah, Miguel doit arriver, donc de toute façon, elle attend que ça. Donc ah bah là, tu dis c'est 22h30. Hein. C'est... Ouais. non, mais voilà, Gaëlle a promis qu'elle allait venir te voir. Elle est adorable. Ouais. Mais non, il n'y a aucun souci, ils viendront. Donc je compte sur vous. C'est noté. Alors, je vous rappelle évidemment qu'il y a le salon commercial, c'est donc ce week-end. N'hésitez pas à venir si vous voulez faire des découvertes, des petits achats sympas. Il y a du saucisson, ça c'est sûr. Il y a aussi du cognac, il y a du vin, il y a un peu de tout. Je rappelle aussi, alors ça c'est une info que je vous passe parce que c'est aussi un moment assez festif sur Waterloo, c'est l'élection donc de Super Mec et Super Nana, donc ce sera le 5 novembre 2016. C'est très très très festif, les gens y vont vraiment pour déconner, pour élire évidemment le Super Mec ou la Super Nana donc de 2017. Ça se passe au CSE à Waterloo. N'hésitez pas à y aller, en plus c'est gratuit et c'est pour une œuvre aussi caritative. Le droit d'entrée n'est ni plus ni moins que un paquet de pâtes, une conserve qui sera donc donnée à une association caritative. Donc je vous en parle quand même, hein. Donc c'est le 5 novembre, c'est toujours blindé. Il y a une bonne ambiance, c'est sympa, Super Mec, Super Nana. Il y a également, oui. Je t'en prie, continue. Ah pardon. Et il y aura également donc le 26 novembre Miss Waterloo. Pourquoi je vous en parle? Puisque le 8 novembre, pour le plus grand bonheur de Flipkat, nous allons recevoir toutes, je dis bien toutes, les candidates à l'élection de Miss Waterloo. Yes. J'ai eu un avant-goût cette semaine. Il y a 12 charmantes demoiselles qui se présentent. Elles le sont très très très jolies, très charmantes et avec de l'élocution, croyez-moi, et le sens de la répartie. Elles seront avec nous donc le 8 novembre. Et puis Sherlock, tu vas nous sortir tes boules, forcément. Ah oui, évidemment. Quand les Miss viennent, je sors mes boules. Ouais. Il sort ses boules. Ça t'étonne. Donc voilà, les boules dans lesquelles il y a des questions. Hein. Elles ouvrent les boules, il y a des questions. Tu pensais à quoi encore? Voilà. Ce sera le 8 novembre. La semaine prochaine, on vous rappelle que donc Stéphane ne sera pas là, pour des raisons personnelles tout simplement. D'accord. Donc il sera pas là, mais ceci dit, peut-être qu'on aura un invité ou deux, on verra d'ici là, hein. Oui, on va faire en sorte, ouais. Voilà, ça marche. Voilà. Est-ce que j'ai une chose à dire, je l'ai pas dit en début d'émission, donc c'est un message très sérieux parce qu'on sort parfois des conneries, je voulais pas plomber l'ambiance. Il y a une petite fille qui s'appelle Laura, je sais pas si vous avez entendu en parler, voilà. Elle va mourir. Elle va mourir. C'est un appel à l'aide de ses parents. Donc on est dans le cadre associatif. Vous me connaissez un peu. On va pas sortir les violons. Malheureusement, elle va mourir d'une grave maladie. Il y a un spectacle qui va être organisé le dimanche 13 novembre à Édimbourg. Ouais. Je vous invite simplement, c'est tapé donc pour Laura. C'est pour Laura sur Facebook. Hein, vous allez tomber sur la page où les parents avec des stylos à 1 €. C'est vraiment fait. Non pas à l'arrache, mais ils essayent de trouver un maximum d'argent pour pouvoir en fait financer non pas les soins mais l'accompagnement de la mort de leur fille, parce que c'est exactement ce qu'il y a. D'accord. Donc je vais pas rentrer dans les détails de sa maladie parce qu'on est vraiment dans quelque chose de lourd. C'est le syndrome de Nohant qui se caractérise sur de très très gros graves problèmes. Donc cette petite fille va mourir et puis ils vendent des silos à 1 € et organisent un spectacle à Édimbourg. Donc j'ai promis aussi, parce que c'est vrai que c'est touchant, c'est une petite fille qui va mourir, c'est vraiment pas très drôle, mais les parents ont pas de gros moyens financiers, donc c'est tous ceux qui donnent 1 €, c'est un peu de pognon pour eux et les aider dans tout ce qui va suivre. Et d'accord. Pour elle, pour l'accompagner. Voilà. Bah, on va essayer donc, de pour Laura, peut-être monter une opération et vendre nos silos ici en direct. Voilà, de ça se fait de plus en plus dans les commerces, donc ça a été transmis, on me l'a donné, et c'est vrai que c'est sérieux, on rigole pas, c'est moche, on va pas en faire des tonnes, mais c'est très moche. Les parents le savent, ils veulent accompagner leur fille, donc dimanche 13 novembre à Édimbourg, et vous tapez sur Facebook si vous voulez plus d'infos, vous y êtes là en nous écoutant, vous tapez pour Laura et vous tomberez sur le site avec tous les éléments, le numéro de RIB, vous voulez faire un don de 3, 4, 5 €, les parents adorables signalent qu'ils comprennent bien que tout le monde a ses problèmes et que du pognon c'est du pognon, mais merci de les aider. Voilà. Eh ben, on relayera l'information sur Facebook. Alors, si on termine sur une mauvaise note comme ça, mais il faut en parler. Voilà. Mais j'ai aussi une grosse pensée pour une jeune demoiselle qui nous a quittés, qui avait lancé une opération être opérée donc aux États-Unis. Oui. Elle est décédée. Je pense à Kelly. Oui. Kelly qui malheureusement n'a pas pu. Alors, c'est pas une question de récolter des fonds, puisqu'en fait la maladie l'a emporté avant. Qu'elle puisse se faire opérer. Donc voilà. Kelly contre la leucémie. Voilà. Donc on termine sur cette note un peu noire, mais il fallait qu'on en parle parce que bah, c'est, la vie, c'est ça aussi. Mm-hmm. C'est parfois des choses qui sont un peu moins sympas. Mais c'est notre rôle, aussi voilà. d'en parler parce que oui, sinon rien n'avance. Voilà. Bon. Allez, on va terminer sur une note musicale plus sympa, Sherlock. Oui. Je vais changer mes chansons. Mais toi, t'es terrible. On parle d'un drame, il va nous mettre une musique triste. Non, Alors, bah, j'étais parti en fait sur deux chansons de groupes de hard rock mythiques. Aerosmith avec Angel, justement. C'est très bien. Et ensuite, bah, pour Tristan, j'avais choisi AC/DC avec Hell's Bells. Où là, on était complètement dans le contraste, justement avec Angel, mais les anges, et de l'autre côté, c'est l'enfer. C'est une très bonne programmation. Tu voilà, voilà. Une très bonne moi, je trouve que tu commences à avoir du temps. Allez, restez tous, bien sûr, à l'écoute de l'antenne de RQC. On remercie tout le monde, tous les, nos invités, donc Tristan, Marjorie. Merci Conan. Merci aussi à Béatrice et Véro qui étaient derrière. Aussi, absolument. Merci à Onissa. C'était un vrai plaisir. Merci à Flipkat. Eh bien, je dirais la même chose. Voilà. Et puis, bah, Sherlock, c'est normal que tu sois là. Donc, bah, donc voilà, merci. Ouais, merci. Merci de m'accepter toutes les semaines. Alison, tous ceux qui nous merci à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Arnaud et Tétard, qui est en fait un gars. Arnaud le Breton. qui est revenu de Grèce. Et donc, voilà. Ok, ça marche. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même antenne, et portez-vous bien. Ciao, bye. Allez, ciao, ciao. Salut. I don't know if I can face now.